Jésus, il monta au ciel, je confesse à Dieu, il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Tout mais ça, c'est le premier des catholiques. Ça, c'est les catholiques qui ont resté ça au concile de Nicée. Celui qui veut aller à mon père, il ne peut pas aller par mon père. On peut aller à son père sans passer par moi. Ok. Bon, là, je vous pose une question simple. C'est juste qu'il a dit ça, non? Mm-hmm. Vous avez dit que vous servez Dieu, non? Dites-moi quand vous êtes allé par lui. Quand tu dis... Dites-moi quand vous êtes allé par lui. Parce qu'il a dit que vous ne pouvez pas servir le père sans passer par lui. Comment vous servez le père? Depuis que vous dites que vous êtes chrétien, donc dites-moi en vertu de ces versets. Parce que d'après ce qu'on a envie de dire, là, c'est comme si voici la chambre, le bureau de Dieu. Son bureau, il est comme le secrétaire, que pour aller là-bas, il faut passer par lui. Depuis que vous dites que vous servez Dieu, vous êtes passé par lui comme il faut parler à Dieu. Comment? Expliquez donc. Bon, peut-être moi, je me dis parce que les principes de Dieu sont les principes de Jésus. Mais dans ce cas-ci, c'est la même personne, forcément. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est une même personne. Je non, on va voir ça. Je pose une question déjà. Pourquoi on réveille on va aller dans la Bible tout à l'heure, d'accord. Je sens les poser ce moment qu'on réfléchisse. Mm-hmm. D'accord. Si les principes de Dieu sont les principes de Jésus, alors il n'y a pas un temps où Dieu avait ses principes et Jésus avait ses principes. Non. Les principes de Dieu n'ont pas commencé à un moment donné. Ça veut dire que les principes de Dieu ont toujours été là. N'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus a été toujours été là. On est d'accord. On est d'accord, puisqu'on dit même qu'au commencement était la parole. Et voilà. À un moment, on dit que Jésus est la parole, il était élu. Et il était même Dieu. Oui, en même temps, il était Dieu. Mais je ne comprends pas. Le fait que quand il dit, peut-être, il était sur la terre pendant ce temps, oui. Il adressait ses prières à qui? Bonne question. On peut avancer maintenant. Mm-hmm. Nous touchons là la divinité du Seigneur Jésus. D'accord. Je vais essayer au maximum de baisser le langage. Au maximum. Voici un caste chinois qui en 325 a créé le schisme, comme on voit les différentes dimensions que vous voyez, et ici principalement ici. Maintenant, avant de donner, avant d'entrer dans la vie pour voir cela, voyons un bref historique autour de cela, d'accord? Et un bref, c'est-à-dire que mettons un poteau pour que si on veut entrer en eau profonde, que si on veut se noyer, on puisse se soutenir là-dessus. C'est que la première chose, c'est que Dieu se révèle plus tôt. C'est la première chose, c'est le principe qu'on va s'accrocher là-dessus, que Dieu se révèle, d'accord? Il se révèle. Étudier n'importe comment ne pourra pas faire que quelqu'un puisse le connaître. D'accord? Donc il doit se révéler. Matthieu chapitre 11, lisons les versets 25 et suivants. Donc nous touchons dans la divinité de Jésus. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Stoppons là-bas et stoppons maintenant et voyons si Jésus-Christ a raison. Qui parmi vous ici connaît le Père? Vous connaissez? Non. Mais vous le servez, comment vous ne le connaissez pas donc? Comment tu peux servir quelqu'un sans le connaître? On connaît seulement son fils qui est mort sur lui. Tu le connais vraiment? Regarde bien ce qu'il y a là-bas. Lis encore ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a deux personnes. Les choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils. Mais toi, tu me dis que tu as dit que tu le connais. Le Père. Oui. Je dis le connaître. À travers ces mystères racontés dans ce. Ok, livre. Donc si je lis une histoire, c'est Paul Biya. On dit qu'il a écrit le révélation de communauté, c'est lui qui a amené l'Assemblée nationale et le Sénat au Cameroun. Je connais Paul Biya, c'est ça? Non. Ah, mais non, on dit que Jésus-Christ est à la croix, il est mort pour nos péchés. Ça fait que tu le connaisses? Non. Alors, dans ce cas, Jésus-Christ a dit que personne ne le connaît. Je recommence encore. Connaître des faits sur Jésus n'est pas connaître la personne de Jésus. C'est différent. D'accord. On lit aujourd'hui, on lit Jean-Paul Sartre dit ceci. Tu ne connais même pas le visage de Jean-Paul Sartre. Tu ne connais même pas comment il s'est comporté, mais tu connais ce qu'il pensait. Où c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, donc je vois qu'il faut qu'on on essaie d'éclaircir les amalgames. Jésus dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Remarquez très bien qu'il n'a pas dit, personne ne connaît Jésus. Il a parlé du Fils. Il n'a pas dit Jésus. Là, vous êtes là, vous connaissez Jésus, mais vous ne connaissez pas le Fils. Là maintenant, vous connaissez Dieu, mais vous ne connaissez pas le Père. C'est le vrai problème. C'est pour ça qu'il dit qu'il va aller doucement. D'accord? Maintenant, vous dites, depuis que vous servez Dieu, non? Hein? Mais Jésus qui dit que personne ne le connaît. Comment tu peux servir quelqu'un sans le connaître? Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, et remarquez bien, continuons, finissons le verset. Finissons le verset, maman Madou. Si ce n'est le Non, non, commençons encore pour comprendre la phrase. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mm-hmm. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, voilà notre poteau qui est donné. Donc, une fois de plus, plusieurs choses qu'on a déjà touchées dans les principes qu'on a vus ici, mais ça vient de ça, ça s'est inclus dans ces versets. Il dit, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est selon sa volonté. Donc, s'il plaît à Dieu de se montrer à toi, il se montre. Si tu pleures n'importe quand, il ne le veut pas, il ne le fait pas. Et tu ne peux pas forcer sa main. Le principe tient toujours, n'est-ce pas? Au courant de la Bible, vous allez voir ça partout. Il dit, celui à qui le Fils veut se révéler. Donc, Dieu se connaît par révélation. D'accord? Voilà. Donc, malgré que je veux vous montrer noir et blanc dans la Bible qui s'écrit que Jésus-Christ est Dieu, tu vas regarder comme ça, tu ne peux pas comprendre. Tu peux comprendre, saisir par intelligence, ça ne peut pas venir dans le cœur jusqu'à ce qu'il se montre à toi. Il dit que juste, demandez-le aussi, on l'a taillé le problème. Bon, ok, maintenant, je vais aller doucement, d'accord? Je vais aller doucement. Ah, mais c'est merveilleux ça. Comment ça t'appelle ton enfant, le premier? Solo. Comment? Solo. Donc un nom qui est facile. Pourquoi ça peut gérer? Sharon, mais qu'on peut gérer ça facilement, d'accord? Ok. Si Sharon se tenait ici, tu es qui pour Sharon? Sa mère. Sa mère. Maintenant, qui est Mado? Je suis sa mère. Donc Mado, c'est sa mère. Oui. Que dis-tu maintenant de mon Mado qui est mon enfant? C'est le mari. Est-ce que c'est la mère de Sharon? Non, ça veut dire qu'il y a un problème entre Mado-ci et Mado-là. Mais au niveau de la mère, il n'y a pas de problème. Donc la mère et le nom sont différents. On se comprend, hein? Ça veut dire que le problème de Dieu et le problème du Père sont deux notions qu'il faut distinguer d'abord, avant d'avancer. Il n'a pas dit ici que personne ne connaît Dieu. Parce que si personne ne connaît Dieu, alors c'est un problème parce que Moïse le connaissait. Abraham le connaissait. Mais moi, Abraham ne le connaissait pas en tant que père. Moïse ne le connaissait pas en tant que père. Il le connaissait en tant que le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce qu'il faut craindre. Mais ici, il vient de mettre une. Jésus vient pour nous mettre en relation père. Parce que le père, tu parles le courir, l'embrasser, le salir. Il dit que je suis désobéi, sachant que c'est ton père. Mais celui-là, le Dieu terrible, c'est que. Il a dit qu'on donne la chèvre. Il faut tuer la chèvre aussi vite. Sinon, on est mort. Vous voyez? Donc, la notion de Dieu et de père, c'est deux notions différentes. D'accord? Nul n'entre dans l'intimité de l'amour de Dieu si ce n'est par révélation. C'est ce que je veux dire. C'est ici, n'est-ce pas? Ok, mais de la même façon, remarquez tout à l'heure que je vous ai dit tout à l'heure que vous connaissez Jésus, mais vous ne connaissez pas le Fils. Parce que si vous compreniez, vous connaissiez le Fils, vous n'auriez pas de problème dans ce verset-ci. Et c'est là le véritable problème, l'un des véritables problèmes chrétiens au niveau des doctrines. C'est que, vous entendez, il dit que le Père est plus grand que moi. Mais c'est normal que le Père soit plus grand pour lui. Vous ne verrez nulle part où on va dire maintenant que Dieu est plus grand que lui. Parce que ça n'a pas de sens. En tant que Père, les titres là, c'est les titres. C'est normal que le Père soit plus grand que le Fils. C'est normal. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est l'homme. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Alors, ça veut donc dire que le problème se trouve au niveau des attributs. Si on comprend ce que c'est qu'un attribut, on va comprendre maintenant. On va aller doucement. On va prendre par exemple Paul Biya, son excellence Paul Biya, et l'enfant junior Paul Biya, ou bien Franck Biya, d'accord? Franck Biya, quand il se tourne vers son père, comment il l'appelle? Quand toi tu es à côté, tu l'appelles comment? Ton excellence Paul Biya. Tu l'appelles en tant que qui? Lui, quand, en ce temps-là, tu le considères comme qui? Celui-ci, son fils, il l'appelle comme qui? Celui-là a deux attributs. C'est là, les deux attributs. Tu as vu cela? Il peut dire à ton frère que papa, tu déranges. Mais toi, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'avec ça, c'est tout en autorité. Le ministre de la justice arrête. Là. Avec son fils, il va dire que ouais, comment il veut faire? Appelle-moi Abel Tonier qu'on prie pour désorciser cet enfant-ci. Si tu comprends. Alors, il y a un problème au niveau des attributs. Maintenant, si tu prends par exemple un commissaire qui vient de poursuivre les enfants, poursuivre les bandits, après, il prend ça que oh, les mains, il met l'arme comme ça là. Il dit crac, crac, tu bouges et tire. Le monsieur qui a l'âme, il est quoi? Commissaire. Bon, sur son épaule, il y a 4 étoiles. Il dit, oh le main. Sa femme, en partant au marché, il se tourne vers elle. Il dit que chérie, quand il appelle chérie, il appelle qui? Le commissaire ou bien son mari? Le monsieur avec le bandit comme ça. Quand il se tourne, il dit chérie, va à la maison parce que c'est dangereux ici. Il parle en tant que commissaire ou il parle en tant que mari. Quand il se tourne maintenant ici, quand il se tourne, il dit que je te dis, baisse le, lève les mains ou bien je tire. C'est le mari qui parle ou c'est le commissaire? Pendant qu'il parle, ça c'est papa dit papa, l'enfant dit papa, tu n'as pas donné, tu n'as pas donné l'argent des beignets. Il dit tu ferais mieux d'aller à l'école sinon ça va barder ici. Il a parlé à sa femme. La tribu qu'il a utilisé pour parler à sa femme n'est pas la tribu qu'il utilise pour parler au fils. Vous savez, n'est-ce pas? Quand c'est tout nouveau le bandit, la tribu qu'il utilise, ce n'est pas la tribu. Mais pourtant, c'est la même personne. Si vous demandez quel est son nom, ce n'est pas un commissaire. S'il s'appelle Gabriel, c'est Gabriel, c'est son nom. Pendant qu'il va faire cette histoire, vous avez un garçon avec qui il a commencé à dire Gabriel, donc tu te déranges. Pourtant, c'est le commissaire. Il va me parler au sein de son grade. Casser l'autre comme ça. Laisse-moi une histoire de l'école là. Parce qu'il le connaît. Il y a une intimité avec lui. Voilà, n'est-ce pas? Donc, il y a le problème d'attribut dans cette histoire-ci qu'il faut vraiment établir d'abord. D'accord? Bon. Parmi donc, les attributs donc, de Dieu, écoutez très bien. Il y a des attributs qu'il ne partage avec personne. Il y a des attributs qu'il ne partage avec personne. Et il ne peut pas partager parce qu'il te donne un attribut, tu meurs directement. Il y a des attributs qu'il partage avec l'homme. Ces attributs-là, c'est l'attribut, par exemple, je prends un, l'omniscience. Que veut dire être omniscient? Quelqu'un qui connaît toutes choses à tout moment, il l'a toujours connu. Il n'y a pas un moment, il n'apprend pas. On est d'accord? C'est ça, être omniscient. C'est lui qui a créé. Voilà. Donc, ça dit, c'est normal qu'il connaît, non? Mais tout à l'heure, vous me posez la question que quand Dieu lui-même ne veut pas qu'il souffre, c'est que vous avez posé la question tout à l'heure, que Dieu lui-même ne veut pas que celui-là souffre, il connaît la fin avant le coup. C'est souvent que la chair a peur de la souffrance, n'est-ce pas? Mais de toute façon, avançons par ici. Donc, il y a l'attribut donc, de l'omniscience. Dieu connaît toutes choses et il n'a pas besoin qu'on interroge quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'interroger n'importe qui pour connaître quoi que ce soit, n'est-ce pas? Cette omniscience-là, quelqu'un ne peut pas être omniscient sans être omniprésent. Pour que tu sois omniscient, Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour venir ici pour dire que, qu'est-ce que vous faites là? J'entends quoi? Il connaît avant que vous le sachiez là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, suivez très attentivement. S'il est comme ça, il faut qu'il soit infini. S'il est omniprésent, il faut qu'il soit omniscient. S'il est omniprésent, quand on dit omniprésent, c'est qu'il soit partout au même moment, la capacité. Un être humain ne peut pas l'avoir, c'est l'attribut. D'accord? Maintenant, il y a un attribut, par exemple, on dit Dieu est amour. Maintenant, nous avons l'attribut, nous pouvons aimer, je peux t'aimer, tu peux m'aimer. Donc, il a une partie qui partage avec nous pour que nous puissions avoir cela, d'accord? Le contact. Ok, maintenant, nous pouvons aimer, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons avoir de la jalousie, comme lui-même, il est souvent jaloux. Tu vois ces attributs-là, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas être omniprésent. Donc, il faut faire la part des choses, des attributs que Dieu partage et ce qu'il ne partage pas. Et maintenant, ce qu'il ne partage pas, c'est ça qui fait de lui le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. D'accord? Maintenant, on va voir donc un de ces attributs. J'ai cité combien d'attributs? Omniscience, ça dit quoi? Qui connaît tout. Jean, chapitre 16. Jean, le chapitre 16. Vous êtes, vous me dites. Je fais la course pour lui. Non, tu vas lire, maman, ne t'inquiète pas. Alors, si on sort là, tu vas commencer à bailler. Verset 30 de Jean chapitre 16. Qu'est-ce que ça dit? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Souligné. Et le verset n'est pas fini, n'est-ce pas? Avançons. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Mais qui parle ici? Qui en a de parler? Ce sont les disciples du Seigneur Jésus. Ils sont en parler comme ça à Jésus, n'est-ce pas? Remontons plus, peut-être je vous ai pris de cours. Prenons à partir du verset 28 en descendant. 28 en descendant jusqu'à 30. Allons-y. Je suis sorti du Père. Stoppons là-bas. Waouh, quelle déclaration. Quelle déclaration. Notez cela, on va parler maintenant. Il dit, je l'ai sorti du Père. Mais c'est terrible. Et il dit que j'en retourne. Lise. Et je suis venu dans le monde. Oui. Maintenant, je quitte le monde. Oui. Et je vais au Père. Vous entendez ce qu'il dit? Il est sorti de quelque part, de l'être de quelque part fort. Il est venu. Après, il retourne encore là-bas. Mettons un guillemet là-bas parce que sinon on va y revenir. Maintenant avançons jusqu'au verset 30. Ses disciples lui disent. Oui. Voici maintenant, tu parles ouvertement. Oui. Et tu n'emploies aucune parabole. Oui. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Stop. Donc les disciples, remarquez très bien, il est à la fin de son ministère, il a discuté la scène. C'est là où les disciples viennent de se rendre compte qu'il était Dieu. Mais c'est terrible. Il dit, maintenant, c'est ce qu'il vient de dire là, non? Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Et il continue en disant, tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Que personne t'interroge. Et on a vu effectivement qu'il était assis avec les publicains. Pendant qu'il allait manger, quelqu'un a commencé à penser dans son cœur que si cet homme était un prophète, il saurait que cette femme c'était une prostituée. Il s'est tourné vers lui et dit, Simon, depuis que je suis en prison, je l'ai pensé comme ça. Personne au côté ne sait pas ce qu'il pensait, mais il a discerné les pensées du cœur. C'est lui, Jésus, qui sonde les cœurs et les reins. Vous comprenez cela? Donc maintenant, nous venons de mettre en évidence que l'attribut d'omniscience ne peut appartenir qu'à Dieu. Et on veut le montrer clairement ici que Jésus est omniscient. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? S'il est omniscient, forcément, il faut qu'il soit omniprésent. De toute façon, Matthieu chapitre 28. Matthieu. Comme tu vas chercher Matthieu à côté de son maman. Matthieu, c'est. Jean, là, tu rentres plus doucement. Matthieu chapitre 28. Vous y êtes. Maintenant, lisons à partir du verset 18 et on va finir au verset 20. Allons-y. Matthieu créature. Chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Stoppons d'abord et commentons un peu avant d'avancer au verset 20. Il dit tout pouvoir lui a été donné où? Donc ça veut dire que Dieu est maintenant, si Dieu est différent de lui, ça veut dire que Dieu n'a plus le pouvoir. On est d'accord là-dessus. Et la Bible va plus loin dans les Philippiens en disant que dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit à la mention de son nom. On a dit tout genou, on n'a pas dit excepté une personne. Ça veut dire que si Dieu est différent de lui, Dieu va fléchir lui devant lui. Vous pensez que c'est censé ça? On dit tout, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Qu'est-ce que je peux entrer? Il faut qu'il me calme doucement vraiment parce qu'il me sent vraiment un jala. D'accord? Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Je dis, vous voyez, quand on lit la Bible de façon livrée, on dit que tout pouvoir, ça veut dire que quelqu'un lui a été, on lui a donné le pouvoir. Le seul fait de dire comme ça, c'est un blasphème. Parce que si Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu n'a plus le pouvoir. Dans ce cas, je ne veux plus pour qu'il prie Dieu, il faut qu'il voie vers Jésus. Si tout pouvoir lui a été donné, alors forcément Dieu n'a plus de pouvoir. Si vous comprenez que donner, c'est comme si quelqu'un est quelque part qui lui a donné. Jésus veut dire que dans les cieux et sur la terre, celui qui règne et qui domine. C'est ce qu'il a dit de dire. Pas qu'il allait quelque part prendre le pouvoir comme quelqu'un va dire qu'il prend le pouvoir de façon solennelle. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il avait dit autrement que il avait guéri un malade en disant que mon fils prend courant, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un a fait comme ça, blasphème. Les juifs connaissent mieux Dieu que tout le monde. Il dit, mais qui est-ce qui peut pardonner le péché en dehors de Dieu? Alors il devrait savoir que c'est Dieu qui est au milieu d'eux. Emma, quelqu'un dit Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il était là comme ça au milieu des hommes. Dans le tabernacle humain, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Il était à l'intérieur de Christ. Dieu qui est esprit à l'intérieur de Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Il ne réconciliait pas le monde avec Dieu. Il était réconciliant le monde avec lui-même. En imputant pour aux hommes de péché. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Voilà. Philippe, Jean chapitre 14. Seigneur, tu dis chaque jour, Père, Père, Père, Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Philippe, c'est incroyable. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que le Père soit en moi et que moi je suis en lui? Dans le verset 7, chapitre 7, il dit tout à l'heure que je suis sorti de lui. Ce que c'est ici. Ah, c'est incroyable. Quand il a dit ça, Philippe, sais-tu? Maintenant, les gens comprennent mieux que ce que Philippe avait compris. Donc, il dit ici que tout pouvoir m'a été donné. Si on dit qu'il est inversé, c'est lui qui règne dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que tu dis de cet homme-là? Souvenez-vous, il était dans une maison où il n'y avait pas d'endroit pour passer. Les gens ont vu, ont découvert, la Bible déclare, c'est marque-là, que les gens ont découvert un passage sur le toit. Ils ont allé cacher sur le mettre au milieu. La Bible déclare que voyant le feu, il a dit que mon fils prend courage, tes péchés te sont pardonnés. On dit blasphème, blasphème. Il dit, lequel est plus difficile de faire? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand il dit que tes péchés sont pardonnés, c'est pardonné pour moi. Ou bien il dit, prends ton lit et mange. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. C'est-à-dire que quoi? Que Dieu ne change pas de dimension. Qui quitte les cieux, il peut, autant au ciel, il peut pardonner. Même sur la terre, il le fait de même. Amen. Il dit que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lui dit-il, lève-toi, lui dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Quand il a dit comme ça, la maladie l'a quitté, il s'est levé, il a pris le lit comme ça, marcher comme ça. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu. D'accord? Voilà. Maintenant, souvenez-vous de ce que vous avez dit dès le départ. C'est là où ça devient complexe parce qu'il veut toucher un homme. Vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a des attributs que Dieu partage avec l'homme, des attributs qu'il ne partage pas. Comme Dieu s'est fait homme, il faut qu'il ait les attributs humains, il faut qu'il ait les attributs de Dieu. Donc, il y a un moment où il agit comme l'homme, le moment où il agit comme Dieu. Vous savez, c'est ça? Ok, maintenant, avançons. Donc, nous sommes au verset 18 de Matthieu, chapitre 28. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, celui-là. 19 maintenant. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le Matthieu chapitre 18, verset 16 et suivant, il a dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu. Je répondais-moi par oui ou par non. Jésus-Christ est-il au milieu de nous? Oui. Maintenant là, oui. Vous êtes sûr à 100%. Puisqu'il le dit dans sa part. S'il y a 800 maisons ici au Cameroun où les gens sont rassemblés à ce moment-ci, il est parmi eux. Oui. En Amérique aussi, à ce moment, il est parmi eux. Oui. Forcément, il faut qu'il soit Dieu. Forcément, il est omniprésent. Il vient de dire là qu'il est omniprésent. Mais on ne sait pas si à ce moment c'est Dieu ou si c'est Jésus. C'est ça. Non. Prenons la parole de Jésus. Jésus n'a pas dit que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Il a dit, je suis au milieu d'eux. Il parlait de lui. Oui. On est d'accord, non? Oui. Je pose encore la question. Jésus est-il au milieu de nous? Oui. Si quelqu'un se rassemble maintenant dans une autre maison, à quelque endroit que ce soit sur cette terre, il est au milieu. Oui. Au même moment, oui. Forcément, il est Dieu. C'est ça, son omniprésence, son omni. Là, c'est lui qui a parlé. Son omniscience, c'est ce qu'il ne partage pas avec nous. Oui. Si vous voulez, la seule possibilité de montrer que c'est possible pour un être humain, c'est de montrer un seul verset pour quelqu'un qui puisse accomplir cela. Même si c'est un ange, il ne peut être à deux endroits à la fois. Donc forcément, la personne qui a de parler là, c'est Dieu. Pour qu'il puisse être là à tout moment, il faut qu'il soit Dieu. On est d'accord? Je vais te montrer deux attributs de Dieu que possède Jésus. Et Dieu, lui, il avait dit qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. S'il ne partage pas sa gloire avec personne, il dit qu'il est seul et que Jésus l'a partagé avec lui, c'est que lui-même se contredit. Or, il ne partage pas sa gloire avec personne. Il ne peut pas donner ses attributs à quelqu'un. Donc, c'est lui. D'accord? On a vu l'omniscience, l'omniprésence. D'accord? Maintenant, le verset 18 nous donne l'omnipotence, la toute puissance. Il a dit tout pouvoir va être donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ça se trouve même là-bas. Donc, tu ne peux pas être Dieu sans un être omniprésent. Tu ne peux pas être Dieu sans être tout puissant. Parce qu'il faut que ta puissance puisse soutenir toute chose à tout moment. Tu ne peux pas être Dieu sans connaître tout chose à tout moment. Les trois, juste les uns. Il est Dieu, forcément. Je ne suis pas encore allé dans les versets pour montrer que nous voici ce qu'il dit comme ça là. Voilà. Les trois, c'est suffisant pour montrer que Jésus est Dieu. Fin de citation. Et quand il est en train de mourir sur la croix, quand il est venu à la tête de Père, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai compris la question, ne vous inquiétez pas. D'accord. Je recommence encore. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'humanité de Jésus, il y a la divinité de Jésus. Parce que Dieu est esprit. Prenons un exemple simple. Dans Jean chapitre 4, je vais commencer à citer la Bible, parce que vous perdez le temps en lisant. Donc, je vais vous les donner, les citer, d'accord? Je donne seulement la référence. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20 et suivant, on parle de l'histoire de la femme samaritaine. Dans cette histoire des gens, femme samaritaine, Jésus-Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Il dit, Dieu est esprit. C'est Jésus qui a dit cela, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec ce que Jésus-Christ dit? Êtes-vous d'accord que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que Dieu est esprit? Est-ce que véritablement Dieu est esprit? Puisqu'on ne le voit pas, mais il est là. Est-ce qu'ils ont posé la question? Mais la question est, je ne l'ai pas encore vu. Non. Tu peux voir, c'est l'ange. Quand tu vois l'ange, c'est vraiment que l'ange n'est pas esprit. Non, en fait, si vous croyez la parole de Jésus, oui ou non. Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Donc, la première phrase, c'est que Dieu est esprit. Vous croyez d'abord ça? Vous croyez que Dieu est esprit? Ah ouais. Oui, il est esprit. Même pas il. Je sais que Dieu est esprit. Non, voilà. Même si on ne savait pas, Jésus vient de dire. C'est la parole de Jésus, on est obligé de croire. Jésus a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce que Jésus a dit est vrai? Je dis que. Est-ce qu'elle a répondu? Non. C'est compliqué le problème. C'est simple. C'est simple. Oui, c'est simple. Si Jésus dit quelque chose, en fait, je voulais dire que. Oui. Sans savoir que Jésus dise. Je sais qu'il est esprit parce que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un. Si c'est caché à New York, tu es allé à New York. Tu as déjà vu quelqu'un. S'il était à côté de quelqu'un, a dit venez voir aussi. J'ai vu. Si il était sur le terrain ou bien dans Mars, personne n'a encore allé sur Mars. Tu peux le voir là-bas. Non, les gens ne partent pas. Personne n'a encore allé sur Mars. Personne. Personne n'a encore allé sur Mars. Les appareils vont là-bas. C'est pour cela qu'on fasse un bas sur les problèmes de pensée. Personne ne pourra dire, mais Jésus a dit Dieu. Parce qu'il a dit tout à l'heure là, que dans Jean, dans Matthieu chapitre 11, que personne ne connaît le Père si c'est le Fils ou celui qui veut le révéler. Il a commencé à parler de ce Père-là. Il dit que Dieu est esprit. Je veux qu'on va sur une base. Est-ce que vous croyez ce que Jésus dit que Dieu est esprit? Oui. Voilà. Si Dieu est esprit, lisons un peu le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Ouvrez de conduire, j'habite trop. Merci Père. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 3, je vais vous donner le verset maintenant. Ouvrez aussi Éphésiens chapitre 4. Donc, c'est toujours à le livre après. 2 Corinthiens chapitre 3. Ah bon, c'est grave. Donc, ouvrez 2 Corinthiens chapitre 3. Ouvrez Éphésiens chapitre 4. Vous ouvrez aussi Romains chapitre 8. Si vous lisez la Bible, je l'aurais cité comme ça, vous saurez que c'est la Bible que je vous explique. Donc nous parlons de la base du fait que. On sait que c'est la Bible, mais c'est que c'est ça, vous pouvez dire. On sait bien, on connaît tout ça. Voilà. C'est la fille un peu bizarre. Nous allons de la base du fait que Jésus a dit, notre Seigneur a dit à la femme là que Dieu est esprit. Alors, vous êtes dans, vous avez trouvé les trois passages. Donc, j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 4. Et Romains chapitre 8. Bon, maintenant, commençons. Regardez, suivez attentivement. Lisez le verset 16 et 17 de 2 Corinthiens 3. Qu'est-ce que ça dit? Verset 16 dit quoi? Chapitre 8. Attends. Lis, maman Mado. 16 et 17. Oui, lis là-bas chez toi. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. Non, c'est la même chose. Elle a une version différente de la tienne, d'accord? Allons-y, lis. Elle commence par quoi? 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui. Verset 16. Ok, prends à partir verset 15. Allons-y. Toi, lis, maman, donne-lui pour arracher ses bénédictions. Je te dis. C'est comme ça que je faisais à l'école. Voilà. Je vais lire. Allons-y, verset 15. Jusqu'à ce jour, oui. quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Stoppons là-bas. Soulignez, le cœur se convertisse au Seigneur. Donc, encadrez là où il y a le cœur se convertisse au Seigneur. Et puis, je vous pose une question avant qu'on avance. Sinon, vous ne pouvez pas saisir là où je vais en aller. Regardez bien maintenant. Vous êtes prêts? On dit le cœur se convertisse à qui? Au Seigneur. Maintenant, de qui est-ce qu'on parle ici comme Seigneur? On dit que ce cœur se convertisse à qui? Au Seigneur. La personne qu'on appelle Seigneur, c'est qui au juste? C'est Jésus. Tu es d'accord, maman Mado? Oui. Tu es d'accord, mon frère? Oui. Tu es d'accord, mon frère? Tu es d'accord? Voilà. Maintenant, avançons. Le voile est ôté. Donc, on dit que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, donc c'est en Jésus-Christ. Il lui dit c'est en Jésus-Christ qu'il y a la révélation et que la révélation fait quitter ce voile-là, n'est-ce pas? Donc c'est Jésus-Christ qui est appelé là-bas Seigneur, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, lisons, suivant. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Stop. Encadrer le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous y êtes? Je peux avancer? Mm-hmm. Maintenant. Souvenons-nous de là où on a commencé. On a dit que dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu était quoi? Esprit. Et ici, on a dit que les cœurs se convertissent à qui? Au Seigneur. Donc, ce Seigneur-là est quoi? Jésus. Non. Esprit. On vient de dire là que le Seigneur est? Esprit. On vient de dire que Jésus-Christ est? Esprit. Donc, Jésus voulait dire à cette femme, ça veut dire que lui, il est Dieu. C'est aussi simple que possible. Ce sont les pièces que nous prenons, nous les joignons ensemble. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, Jésus était Esprit. Vous savez, c'est ça? Il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, je m'arrête là-bas, il me pose la question, c'est de qui on parle? Vous dites que c'est Jésus, et on ne peut pas dire que c'est Dieu, parce que ce n'est pas Dieu dont il est question, c'est Jésus. Et on dit que ce Jésus-là, donc, il est esprit. Regardez, l'esprit est écrit de la même façon comme c'était écrit dans le livre des Jean. N'est-ce pas? Voilà. On dit que, or, le Seigneur, c'est l'esprit. On dit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on parle de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai dit, le deuxième passage, c'était quoi? Éphésiens chapitre 4. Prenons à partir du verset 4, allons-y, disons le verset 4. Qui va lire? Il y a un seul corps et un seul esprit. Stop. Vous avez vu, il y a un seul corps et un seul esprit. L'esprit là est écrit de la même façon comme c'était écrit dans les 2 Corinthiens. Donc il ne peut pas avoir deux esprits. Christ ne peut pas avoir son esprit, Dieu a son esprit. Donc c'est un seul esprit. Continuons. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Stop. Donc il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc si tu dis Seigneur, tu penses que tu as de parler de Dieu. Tu dis Seigneur, tu penses que tu as de Jésus. Tu as de penser de la même façon. C'est aussi simple que possible. Je te dis parce que moi, c'est pas la confusion. Je dis Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Voilà. Je dis jusqu'à la fin. Je dis non, je n'ai pas mis le nom de Jésus. Je n'ai pas dit Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus. Après, je dis donc Seigneur, c'est toi qui sais. Vous êtes ma mère. Après, tu t'es pas, tu dis que Seigneur, entre vous deux là-bas, il faut qui choisissez-vous là-bas. Puis le Seigneur Jésus qui s'est révélé à chacun de nous ici, afin qu'on le serve avec honnêteté et sainteté. Chapitre 4, verset 4. Donc, je voulais forcément vous établir un principe dans la Bible, c'est que, remarque bien, mes chers, remarquez toi-même, Mado, comme tu as posé la question dès le départ, qui semble avoir des contradictions. Tu vois comment on nous construit doucement, tu vois que ça s'éclaircit au fur et à mesure, n'est-ce pas? C'est comme ça, quand les choses sont créées dans la Bible, ça va s'emboîter au fur et à mesure. D'accord? Il n'y a pas de contradiction. Tu vas voir et bénir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des explications. Quand on l'a baptisé dans l'eau, qui a parlé en haut, quand il était sur la croix, qui est mort, on va revenir maintenant sur ces cas-là. D'accord? On avance. Ok. Ouais, la Bible commence à faire un geste sur votre cœur, n'est-ce pas? La Bible commence à avoir du sens. Et ça va avoir des sens. Maintenant, suivez-moi maintenant. Il y a un autre passage qu'on va lire maintenant. Romains chapitre 8. Prenons le verset 9 de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait lu trois passages. 2 Corinthiens 3, Éphésiens 4. On a fini avec Éphésiens 4, n'est-ce pas? Maintenant, Romains chapitre 8. Maintenant, verset 9 dit quoi? Pour vous, oui. Vous ne vivez pas selon la chair, oui. Mais selon l'esprit. Écoutez très bien. Vous avez vu ce qui est écrit? On doit vivre selon quoi? Selon l'esprit. Le mot esprit. Hein? Selon l'esprit. Donc, c'est en esprit qu'on doit vivre. Maintenant, suivez attentivement. Dans le livre de Galates chapitre 5, écoutez, dans Galates chapitre 5, vous parlez des fruits de l'esprit chaque fois. Vous cessez, n'est-ce pas? Vous dites que la chair a ses désirs contre ceux de l'esprit. Vous parlez de l'esprit, c'est l'esprit dont on parlait dessus dans 2 Corinthiens tout à l'heure. Là. Et vous parlez comme ça de Jésus. Vous cessez, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il dit pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Après, d'ici. Si du moi, l'esprit de Dieu habite en vous. Stop. Soulignez l'esprit de Dieu. Vous avez vu ce qui est écrit? Il dit que la seule possibilité de vivre selon Dieu, c'est que son esprit habite en vous. D'accord? Après, il dit virgule, continuez. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Stoppons là-bas. Finalement, on parle de quoi? Finalement? De Dieu. Alors, il venait de dire que c'est l'esprit de quoi qui devait être en vous? L'esprit de Dieu. On a vu aussi dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y avait combien d'esprits? Un seul. Donc, ce seul esprit, on va voir, donc, on va donner ses synonymes ici. Et là, premièrement, il a dit que si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Souvenez-vous, il y a un seul esprit. Après, si quelqu'un n'a pas l'esprit, on le dit de Dieu, il dit de Christ. Il dit quoi? Après, il dit maintenant, et si qui? Et si quelqu'un n'a pas l'esprit? Non, non, il y a encore il y a un troisième cas. Si le Christ est en vous. Stop. Finalement, qui doit être dans un croyant? L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ ou bien Christ? C'est Christ. Ok, maintenant, si je dis c'est Christ, tu viens de dire c'est Dieu. Dieu. Et si je dis c'est Dieu, tu viens de dire que c'est son esprit. Si je dis, alors, l'autre nom de cet esprit-là, on l'appelle le Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas ça, alors forcément, il faut que vous avez 5 esprits en vous. 1. Votre esprit. 2. Le Saint-Esprit. 3. L'Esprit de Dieu. 4. L'Esprit de Christ. 5. Christ lui-même. Donc, nous avons juste à charger. On nous dit qu'il y a un seul esprit. Donc ce sont ces synonymes. Je vous ai dit, le problème des attributs, là, les appellations de la Bible sont terribles. Quand je n'appelle juste que. Saint-Esprit, là, nous appelons là, c'est des attributs. Ce sont des attributs. C'est toujours. C'est toujours le Christ. C'est ce qu'on met devant, non? C'est un attribut du Christ. Moi, je croyais que le Saint-Esprit était une force que le Christ envoie. C'est le démon de Jéhovah qui t'a infesté comme ça. Parce que quand tu poses un témoin, c'est ça que je suis en train de parler de reprogrammer votre intelligence. Quand on parle de témoin, j'avais vu dans les brochures, j'en ai dit, ils vont toujours parler que le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Petit à petit, en écoutant, ça reste à l'intérieur. Il n'y a pas un seul verset comme ça. C'est le témoin de Jéhovah. D'accord? Vous allez voir dans la Bible, dans l'Apocalypse, vous allez lire l'Apocalypse au moins une seule fois. Oui, la Bible déclare que l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit, le Saint-Esprit dit viens. Une force parle. Hein? Jésus-Christ dit que écrit à l'ange de l'église de Cécile. Après, il finit en disant que si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'église. Pourtant, au départ, on dit que c'était le Fils de Dieu qui parlait. Après, on dit à la fin, on dit que si quelqu'un a l'oreille, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'église. Vous savez, c'est ça? Donc, c'est lui qui est l'Esprit. Et l'Esprit parle. Pendant que l'apôtre Pierre était sur le toit en déjeuner, trois personnes sont venues pour le chercher. L'Esprit lui dit, descends, c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit lui dit. L'Esprit parle, d'accord? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, pendant qu'il était l'apôtre Paul était en déjeuner en priant avec le ministère, la Bible dit que le Saint-Esprit dit mettez-moi. Le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part sur les balles pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais Jean chapitre 9, on voit que sur la route, c'était quelqu'un qui avait parlé, dit Jésus de Nazareth que tu persécutes. Mais plus tard, on te dit c'était moi qui l'ai appelé. Donc, forcément, le Saint-Esprit doit être Jésus. Ou bien il y a eu deux appels de Pierre, de Paul. Il y a eu deux appels, deux personnes qui appellent. Ou bien Jésus et le Saint-Esprit se discutent. Donc, vous devez amener à l'harmonie pour dire que c'est la même personne. D'accord? Donc le Saint-Esprit parle. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 28 à 30, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. Donc il se fâche. Une fois, il se fâche parce qu'une personne. D'accord? C'est un peu comme tout à l'heure. N'attristez pas le Saint-Esprit. Par le de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. D'accord, ne le faites pas qu'il se fâche. Ne faites pas qu'il se fâche. D'après l'autre verset, ça veut dire n'attristez pas la colère ou c'est pas la force de Dieu. Tu comprends pas la colère. Non, je dis l'autre version quand tu testes ça. Tu as un monde nouveau. Oui. Tu as un monde nouveau. Donc tu vois, c'est la perversion. Ouais. C'est tout sur la Bible là-bas. Tu veux dire. Il fallait que je l'aime. Je t'ai dit. Donc vous voyez très bien que c'est la perversion. Le simple fait que les ténèbres ont diminué, ont réduit le Saint-Esprit en une force agissante. D'accord? En une force. a fait de telle façon qu'ils ne peuvent pas servir Dieu. Parce qu'ils vont servir Dieu avec la pensée. C'est pour ça qu'ils peuvent faire tout organiser. Les catholiques. Oui. Donc ils sont exactement comme les catholiques, mais version franc-maçon. Donc revenons ici dans notre parole. Après, je suis en train de comprendre. Non, c'est pas le moment. Laissez-le continuer ici. Vous avez pour vous grave. Donc, avançons avec la divinité. C'est pour ça que Jésus a dit que. Comment peux-tu dire que viens la paille qui est dans tes lèvres, que tu as le poudre? Donc, à votre avis, moi, à votre avis, vous allez dire que, gars, il faut que ma part soit claire. Vous pourrez dire à quelqu'un maintenant. Non, moi, c'est que c'est un enfant. C'est la petite fille. Après, vous allez le corriger vous-même. Vous allez le corriger. Elle n'est pas aussi facile. Ne vous inquiétez pas. Avançons ici. Faites confiance au Seigneur, n'est-ce pas? Regardez bien, on vient d'établir qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. On a établi ça. On a aussi établi qu'il n'y a qu'un seul esprit. On a établi que l'esprit est encore appelé Seigneur. On a établi que le Seigneur est appelé esprit. Et on a établi que Dieu était esprit. Donc forcément, le Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ, c'est Christ. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, on va encore aller quelque part. D'accord? Avançons, on va toucher maintenant. Jean chapitre 1. Notez, je vous donne le passage maintenant. Notez directement. Notez Jean chapitre 1. Jean chapitre 14, Jean chapitre 17, on va mettre la chose maintenant en ordre. Comme si vous notez, maintenant, je vais vous donner le passage tout à l'heure. Jean chapitre 1, Jean chapitre 14, Jean chapitre 17. Lisons le verset 1. Au commencement de toutes choses. Non. Ah oui, oui, tu as ta version, oui. Au commencement de toutes choses. Ça, c'est une perversion. La parole, ça. Ceci oui, est. Oui, ça, non, je n'ai pas dit là, tout ça, c'est une perversion. Ça, c'est pas bon. Lisons ici. Au commencement. Bon, la Bible, ce n'est pas dit. Non, je ne sais pas ce qu'il dit. Allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On vient de dire que quoi? Le dernier volet dit que la parole était Dieu. Soulignez ça, on va aller quelque part. Vous y êtes? Vous y êtes? Oui, nous y sommes. Ok, maintenant. Dans ce verset-ci, le verset-ci nous dit que la parole était Dieu. On est d'accord? Alors, chapitre 14, le verset 6 dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Soulignez la vérité. Il ne vient au Père que par moi. Oui, c'est bon. Donc, Jésus vient de dire qu'il est la vérité. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, on a vu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On a entendu parler de qui là-bas? Jésus. Eh, mesdames. Jean chapitre 1 a dit, tu connais, Jean chapitre 1 a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est venue au milieu des gens. N'est-ce pas? Elle a habité plein de grâces, ainsi de suite. On parle de qui? De Dieu. Tu parles. Christ. On parle de Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Jésus était la parole. Et Jésus est la parole, n'est-ce pas? Ici, il vient de dire que il est la vérité. On ne dit pas qu'il a la vérité. Parce qu'avoir la vérité, ça veut dire que tu détends la vérité. Que tu as une détenteur de la vérité. Mais on dit là qu'il est la personnification de la vérité. Mais c'est terrible. Ça veut dire que la vérité ne se cherche pas que par ça. C'est une vérité qui doit se révéler. La vérité de la vraie. Ce n'est pas une vérité. Il dit qu'il est la vérité. Il doit se révéler. Chapitre 17, verset 17. Allons-y, verset 17 dit quoi? Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Vous entendez ça? Il venait de dire que qui était la vérité dans Jean chapitre 14. Je suis la vérité. Il dit maintenant que Père, sanctifie-les par qui? Par quoi? Ta parole. Après, il dit que ta parole est quoi? Il parle de qui au juste? Il devait parler de lui-même. Oui, là, n'est-ce pas? D'accord. Ok, on peut avancer maintenant. Tu ne vois pas ma main là. Bien vu. Tiens, d'abord, on revient à ce sujet. Sanctifie-les par la parole. Père, sanctifie-les par la vérité. Il parle de qui? Il parle de lui-même. Puisque dans Jean chapitre 14, il a dit que je suis la vérité. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, on peut avancer. Je vais avancer sur un autre plan maintenant. Je vais vous poser une question que je pose chaque fois au pasteur. Je crois que quelqu'un peut au moins répondre ici, là, plus que les pasteurs. J'ai confiance en vous. D'accord? Ne me dites pas que j'ai été imbécile de vous faire confiance. Mais je pose la question. Pensez. Qui a créé le monde? Tout ce que vous voyez là. Et la parole qui est Jésus. Dans cette question, vous n'avez plus d'ambiguïté. Quoi que Jésus ait dit alors? Jésus a créé le monde. Je suis d'accord avec elle. Toutes choses. Tu es d'accord? Vous avez lu ça dans la Bible? Excusez-moi un peu, ça revient un peu à la Genèse. Quand on dit que, quand on dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il dit, on a qui? Voilà, c'est bon ça. C'est... Voilà. Tu vois, la Bible, le Saint-Esprit, c'est ceci, vous voyez? Voilà. Mais avant cela, ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 27 et 28, d'accord? Verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la... Maintenant, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous venez dire qui avait créé? Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit que c'est Jésus là-bas? On a dit que c'était qui? Au commencement, Dieu. Mais d'où tu sens que c'est Jésus qui a créé alors? Mais parce que Jésus, celui à travers le verset qu'on a lu, c'est lui. Colossiens, il y a un témoignage, il y a un passage ici à Colossiens. Oui. Ok, et maintenant nous y sommes. Colossiens, chapitre 1, disons, verset 15. 15 à 16. 17. Oui. Mm-hmm. Il est l'image du Dieu visible, du Dieu invisible. Oui. Primé-né de toute créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, sur la terre, les invisibles et les visibles. Que ça a été créé par lui? Par qui? Par Jésus. Par Jésus. Ok. Donc, maintenant, Genèse chapitre 1. Bereshit bara Elohim. C'est écrit clairement que Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim créa. Au commencement, c'est écrit là-bas Elohim. Mais ici, on veut dire qu'il est l'image de Dieu invisible. Ici, là, c'est Seigneur, c'est Kyrios. Donc, ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même. Maintenant, ouais, tant qu'il n'y a pas le Nouveau Testament, vous allez lire l'Ancien Testament, vous n'allez voir nulle part où on parle de Jésus. On parle de lui seulement en image. Parce que quand on ouvre Genèse chapitre 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici un passage que je voulais donner, qu'il a donné maintenant dans Colossiens. On dit que c'était Jésus plutôt qui avait créé. Donc la personne qu'on appelle Jésus, Dieu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament qu'on appelle Jésus. Est-ce que c'est ici? Donc je vais revenir sur ta question de faisons leur notre image, si c'est celui de qui. C'est ici, n'est-ce pas? On avance un peu. Nadia, on avance. Voilà. Donc, je vais prendre deux passages. Et on va voir quelque chose, d'accord? Vous permettez qu'on voit. Vous permettez qu'on voit. Oui, allons-y, deux passages. Prenons. Il y a plusieurs façons de voir l'aspect de la divinité de Jésus. Remarquez toi comment je suis parti de ça. Je peux vous les montrer. Vous n'avez pas montré deux. Il peut vous montrer seulement deux passages. Non. Oh mon Dieu. Comment allez-vous voir deux passages des actes? Le passage commence à venir. Bon, je vais prendre le passage au fur et à mesure que ça vient, d'accord? Premier passage, Jérémie chapitre 17, le verset 10. Chapitre 17. Vous avez noté, je vais noter. Lisons, si vous voulez noter par la suite. Jérémie chapitre 17. Bereshit bara Elohim. Jérémie, le chapitre 17. Moi, Yahweh. 17, verset 10. Il dit, moi Yahweh, j'escute le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite, voilà, selon le fruit de ses œuvres. Voilà, maman Madoli. Moi l'Éternel. Souligne l'Éternel. Moi l'Éternel. Chez lui là-bas, c'est fait Yahvé. Le cœur. Soulignez parce que c'est important. Je vous en dis. Vas-y. Donc il dit que, qui en a parlé ici dans ce livre-là? Jésus. Oh, moi, Yahweh. Elle est tombée amoureuse de Jésus, mais n'a fait pas Dieu. Moi, Yahweh. Mais Jésus, c'est Dieu. Non, on ne part pas sur le plan que je suis dans le processus de vous montrer que, pour établir que le voici, le voilà Jésus. Okay. D'accord. Donc, quand vous lisez le passage, restez sur le passage. Ça, d'accord. Le passage dit que c'est l'Éternel. Donc, c'est Dieu ici. Ouvrons Apocalypse. Lisons le verset 1 d'abord. Quand vous allez dire, vous dites stop quelque part et puis on va sauter. Allons-y, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. On parle de qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de Jésus-Christ. Si ça dérange, allons au chapitre 1, lisons le verset 14 à 17, à 18 pour le voir rapidement. On le voit pour être sûr que c'est lui parce qu'il ne faut pas qu'on ait une. Chapitre 1, rentrons au chapitre 1, lisons le 14 et suivant. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Donc il s'agit de qui? Comme de la laine blanche, c'est Jésus Christ. C'est Jésus, donc allons au chapitre 2. Parce que c'est lui qui se présente, parce que là-bas, on va se présenter qu'il a cette étoile entre ses mains, ainsi de suite. Donc, chapitre 2, donc, lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, cet homme-là, cette personnalité, se présente à Jean. Après, il lui donne les ordres que écrit. Donc, celui qui en a parlé. Cette personne-là que nous avons appelé, qui était qui? Jésus. En a donné un ordre à Jean que écrit ceci, d'accord? À l'église d'Éphèse. Continuons. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres. Stop. Qui a le parler? Jésus. Voilà. Allons au verset 20, puis jusqu'au verset 23. Donc lisons le verset 20 jusqu'au verset 23. Allons-y. Mais ce que j'ai contre toi. Qui a de le dire encore toujours? Vous savez qu'il a de transmettre le message. Donc c'est toujours la même personne qui a de parler. Il dit ce que j'ai contre toi, n'est-ce pas? C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui se dit prophétesse ici dans le monde. Hein? Sans la voix. Quand ils enseignent, ils font quoi? Elles font quoi? Elles séduisent ses serviteurs. Remarquez, on n'a pas dit que Dieu l'a appelé prophète, on dit qu'elles se disent. Donc elles s'est autoproclamées. Donc Dieu, parce que Dieu n'appelle pas les prophétesses dans l'église. D'accord? Avançons là. Enseigner et séduire mes serviteurs. C'est pour ça qu'ils peuvent tromper les enfants de Dieu, les véritables serviteurs, mais les mettre sur leur coupe par le charme. Avançons. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Vous entendez, non? Donc, entendez, dans ces milieux, il y a toujours l'impudicité, les dragages à gauche et à droite. Avançons ici. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, les fausses tortues. Vous faites les fausses tortues à gauche et à droite. Avançons là. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. C'est-à-dire que les femmes là, c'est difficile pour qu'elles se repentent. Avançons. Et elle ne veut pas se repentir. Parce qu'il y a l'argent dedans. Il y a la gloire dedans. Voici. Je vais la jeter sur un lit. Donc, il y aura le tourment derrière elle. Oui. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc, ça veut dire que vous allez communier encore avec elle, elle va vous traiter également de la même façon. Continuons. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Oui. Je ferai mourir de mort ces enfants. C'est grave. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Stop. Donc, nous venons de lire que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, chapitre 10, que moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus vient dire que, il ne dit pas que je suis celui qui sonde le cœur, il dit que je suis celui. Je suis celui. Donc, quand vous l'aurez lu là-bas que je sonde le cœur et les reins, c'est moi. Je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Il n'a pas dit que je suis l'un de ceux qui sonde le cœur, il a dit je suis celui. Donc, la personne qu'on appelle l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est lui qu'on appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Il va finir même le verset là exactement comme le Jérémie était fini. Allons-y. Je suis celui qui. Verset 23. Il est. Si vous me. Non, on va descendre encore. C'est quoi, c'est quoi chapitre 2. Non, nous ne sommes pas là, chapitre 2. Là où tu étais. Et ses enfants, je me rappelle de moi. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis. C'est moi qui sonde les reins. Oui. Oui, et qui? Et je ne vous paierai, et je vous paierai chacun selon ses œuvres. Maintenant, lis ça ici dans cette version. Écoutez très bien encore. Chapitre, verset 20. Alors. 23. Mon c'est comment? Tu es au chapitre 2, non? Mmh. Tu as commencé, tu es déjà au niveau du 23. Lis le verset 23. Il n'y a pas le verset 23 ici. Il y en a. Apocalypse. Oui. Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2, non? Je ferai mourir de mort ses enfants. Oui. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Oui. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais comparons, vous voyez très bien que littéralement, c'est le passage de Jérémie 10, chapitre 17, verset 10 qui est repris là-bas. Amen. Il n'y a pas deux personnes au monde qui puissent sonder le cœur de rien et qui rendent à quelqu'un selon chacun son œuvre. Ce n'est que Dieu. Et on voit que Jésus le fait, ce n'est que Jésus. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Je peux prendre encore deux passages comme ça. Mais prenons, allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Restez à l'Apocalypse parce qu'on va revenir maintenant dans l'Apocalypse aussi. Vous voyez en parallèle Apocalypse et Deutéronome. Deutéronome, commençons par Deutéronome. Deutéronome. Vous y êtes. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Quand vous aurez ouvert, vous faites ceci, vous ouvrez également Apocalypse chapitre 19. Je vais lire, on va lire ensemble et puis vous allez me dire ce qui, je vous pose des questions, vous me répondez. Souvenez-vous ici, à partir des deux versets que je vais prendre maintenant, il y a un verset au milieu que nous avons déjà lu. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 4, on avait dit qu'il y avait combien de seigneurs? Un seul seigneur. Et lui c'était qui? On est d'accord, non? Comment il se passe de bon? On n'est plus d'accord. On est d'accord. Voilà. Chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Deutéronome 10, verset 17 alors. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Oui. Le Seigneur des seigneurs. Oui. Le Dieu grand. Oui. fort et terrible. Il a souligné le. Oui, oui, oui. On a souligné dans, dans votre version ici, il est écrit que le Yahvé est le Dieu de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, soulignez le Seigneur des Seigneurs. Vous avez souligné. Il vient de se présenter ici. Qui en a parlé ici? Eh, maman Mado. C'est Dieu. Voilà. Il dit qu'il est quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Allons à l'Apocalypse. Chapitre 19. Lisons le verset 11 et suivant. Verset 11 et suivant. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous lisez sa parole. Que le Seigneur Amen. Vous bénisse. Allons-y, maman Mado. Verset 11 du chapitre 19. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Oui. Et il juge et combat avec justice. Qui était sur ce cheval? Qui est sur ce cheval déjà? C'est Jésus. Avançons dans la lecture, c'est simplement, c'est simple ça. On ne peut pas dire qu'un esprit monte sur un cheval d'avant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu vois qu'au chapitre 1, on l'avait vu tout à l'heure, non? Avançons. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit oui. que personne ne connaît, oui. si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez encore vu la même parole de Dieu, non? Donc voilà. Continuons. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, oui. revêtus d'un fin lin blanc pur. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë oui. pour frapper les nations. Oui. Il les pétra avec une verge de fer oui. et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Oui. Roi des rois. C'est qui là? Et Seigneur des Seigneurs. Il s'agit de qui? De Jésus. Dans l'Ancien Testament, on avait dit que qui était le Seigneur des Seigneurs. Dieu. Dieu. Donc finalement, il y a combien de Seigneurs? Au milieu, on avait vu que qui a combien de Seigneurs? Un seul Seigneur. Lequel donc parmi les dieux? Lequel parmi les dieux est Seigneur des Seigneurs? Dieu est Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Et il y a un seul Seigneur, le Seigneur. La confusion, c'est que c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez très bien, effectivement, que si vous n'amenez pas la Bible en amont, vous allez avoir les mots de tête, les cheveux blancs qui poussent dans le nez. On avance. On va prendre un dernier passage maintenant dans cette. Remarquez très bien que je tente de prendre des comparaisons. C'est moi que vous voyez dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez que. On a commencé par le livre de la création. Nous avons vu que dans Genèse 1 dit que c'est Dieu qui a créé. Colossiens dit que c'est Jésus qui a créé. Donc ce n'est que la même personne. À moins qu'il y ait deux créations. Vous savez qu'il n'y a pas deux créations. On est d'accord. Maintenant, on a vu également que Dieu est appelé Seigneur des Seigneurs. Jésus est appelé le Seigneur des Seigneurs. On a vu dans Jérémie chapitre 17, verset 10 que Dieu dit que ceux qui sont le rein. Apocalypse, Jésus dit que c'est lui-même qui sont de les reins et les cœurs. Dans Matthieu et Marc, on voit quand même que Dieu pardonne les péchés. On voit que c'est lui qui pardonne les péchés. On va voir un dernier passage maintenant, très important. D'accord? Quand on va voir si vous avez sorti de là pour répondre à la question de la sœur, il y a plusieurs questions qu'elle a posées qui sont restées suspendues, particulièrement la question des. Quand il disait que faisons à notre image, il parlait à qui? D'accord? On va répondre à la question. Quand il était à la croix, il disait Seigneur, Père, tu me vois quoi? Comment tu à qui? On va se répondre à la question. Quand on l'a baptisé, la colonne a parlé dans le feu, là en haut. Je passe mon fils. Qui parle? On va répondre à cette question maintenant, d'accord? Voilà. Maintenant, prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. On avance. 27. Le Matthieu chapitre 27. D'accord? Je vais lire à partir du verset 1. On avance. Ok. Suivez attentivement avec vous. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3, écoutez très bien. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'y repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Soulignez 30 pièces d'argent. On y va. Si vous avez souligné, vous me dites j'avance. Oui, ça va. Voilà. Rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, ça c'est ton problème. Si tu as livré le sang innocent, c'est ton problème. On s'en fout. Verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla s'épandre. Soulignez, jeter les pièces d'argent dans le temple. Vous y êtes? Voilà. Verset 6. Il avance. les principaux sacrificateurs les ramassaient et dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le fruit du sang. Et après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier, soulignez le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Soulignez champ du potier. On avance. Voilà, maintenant mettez le doigt ici. Mettez le doigt sur ce verset parce que je me suis arrêté à dessin. Allons dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est le livre qui touche à. On était dans Matthieu. Allez dans Malachie, là, on vous demande de payer les dîmes. Là. Mm-hmm. Et puis avant Malachie, il y a Zacharie. Donc, ce sera pas facile de repérer comme ça, pas vrai. Il peut avancer. Je vous ai demandé de souligner les cinq choses. D'abord, chaque fois que vous m'arrêtez, maintenant, je vous pose la question. Regardez. D'abord, répondez-moi à la question. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu là, il s'agit de qui qui vend une personne. À combien? Il vend qui? Jésus. Il a finalement mangé cet argent. Non. Il est donné en appui. Non. Il a fait quoi de ça? Il a jeté dans le temple. Quand il est parti, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé le champ du conservateur. Allez acheter le champ. Zacharie. Ceci est écrit 800 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. C'est ce qu'on a dit là maintenant, d'accord? C'est ici qu'il veut sortir avec la comparaison. Je vais dire à partir du verset 6. Prenons à partir du verset 4 pour descendre doucement, d'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup de prophéties là-bas, mais quand on va arriver à ce qui nous concerne, vous-même, vous allez savoir. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Juste dans Zacharie, chapitre 11. Tu as trouvé? Ainsi parle, verset 4 à partir de là. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel car je m'enrichis et les pasteurs ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Qui en a parlé ici? Dieu. Dieu, merci. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils ravageront le pays et je ne les délivrerai pas de leurs mains. Verset 7. Alors je m'ai mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. J'ai pris deux houlettes, j'appellerai l'une grâce et j'appellerai l'autre union. Et je fis paître les brebis. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. On peut le temps de parler de ceci, mais avançons directement. J'exterminai les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et j'ai dit, écoutez bien, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Écoutez verset 10. J'ai pris ma houlette grasse et je la brisais pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Où est-ce que tu as entendu dire là? Que bientôt la grâce va s'achever. Verset 11. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Verset 12. Écoutez attentivement. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Soulignez. Je vous pose la question. Qui en a parlé depuis ici? Qui en a parlé dans ces versets, dans ces passages? C'est Dieu. Il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, c'est Dieu qui en a dit, je leur dis. Il dit, et il pesait pour mon salaire, mon. Qui parle? Dieu. Mon salaire, 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au. Je suis ça. Souligné au potier. Quand on a jeté, on a pris le truc pour le champ de. Du potier. Allons-y. Jette-le au potier. Vous avez, nous sommes au verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils ont estimé Jésus. Vous avez lu? Dieu. On a écrit quoi? Dieu. Ils m'ont estimé. Ils m'ont estimé. Donc l'Éternel a dit que on a estimé qui? Lui Dieu. Lui Dieu à combien? À 36 d'argent. Donc alors le même prix qu'on a Judas a vendu. On arrive là maintenant. Verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans où? La maison de Yahweh. Quand on n'a pas pris à la même entre mes jeter, elle a jeté ça où? Maintenant. Écoutez très bien. On dit dans la maison de l'Éternel pour. Mais moi, on a changé le chant de quoi? Du potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette. La question qu'il me pose, il me pose maintenant. Dans le Nouveau Testament, qui est-ce qu'on a vendu à 30 pieds d'argent? Jésus. Dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, il était question que ce serait qui? Judas. Non, bon, il dit, non. Il était question dans ce qu'on veut dire là, que qui est-ce qu'on devrait vendre? Jésus. Non. Il dit dans le livre de prophéties, qu'on veut dire là, qui était. Qui a dit qu'on devait le vendre? Dieu. Donc c'était Dieu qu'on est censé vendre. à 30 pièces d'argent. Et cet argent, c'est les prophéties. C'est les prophéties. C'est ce qu'il devait arriver. Mais quand c'est arrivé, on est comme vendredi, on a vendu qui? Jésus. Donc forcément, je dis que c'est Dieu là dont on parle. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Parce que c'est lui Dieu au milieu des hommes. Parce que s'il vient en esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'il fasse un tabernacle humain pour arrêter. C'est ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc je m'arrête là-bas pour la comparer. Il y en a des centaines comme ça. Non, c'est l'image. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Comme Dieu est invisible, esprit invisible, il s'est fait visible. On avance. On avance. Ça circule là, ça circule. Maintenant, je vais avancer maintenant au niveau de la réponse aux questions qu'on va sortir d'ici la divinité de Jésus. D'accord? Donc ces enseignements-là, c'est surtout dans les CD. Mais j'ai remarqué que 400 fois, j'enseigne sur la divinité de Jésus, ça fait 400 fois, manière différente. C'est normal parce que c'est un Dieu infini. On peut montrer que par la partie de l'orteil, on peut dire que par la partie des oreilles, et on parle à partir de là, on montre qui il est, par la partie des doigts, ainsi de suite. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 1. Et puis, pour répondre à la question de la sœur. Donc, nous venons de voir, d'après la Bible, que effectivement Dieu est un. Pas vrai? Amen. Voilà. Si vous dites autrement, vous avez deux dieux. Et les chrétiens ne sont pas politiques. C'est seulement les premiers témoins de Jéhovah qui ont deux dieux. Un grand dieu, un petit dieu. D'accord? Vous savez ça, non? Vous avez l'attention de mon nouveau ici. Dans Jean 1. Dans Jean 1, c'est clairement écrit qu'au commencement, il était apparu. Il était Dieu, grand dieu. Il était un dieu, petit dieu. Donc il y a deux dieux là-bas chez Dieu. Nous, nous ne connaissons pas ce genre de dieu là. Donc Dieu ici. Oh. Oh. Ça veut, mettez le doigt dans Genèse, il y a un dernier passage qu'il faut qu'on, deux passages qu'il faut qu'on lise ensemble, d'accord? Et on sort de là vraiment. Ah, merveilleux Seigneur. Lisons Jean. Jean, le chapitre 1. Notez les versets 35 jusqu'à 50, d'accord? Chapitre 1. Oui, donc je vais piper à partir de quelques passages, et on va y arriver rapidement. Je peux vous raconter l'histoire et puis on va droit au but là, d'accord? Du verset 35 au verset 51 même. Notez cela. Donc notez quelque part. Mais je vais lire quelque part. Je vais piper là-bas maintenant. On avance. Vous avez la noter. Donc, il est question ici de la rencontre entre Jésus-Christ et Nathanaël. Quelqu'un qu'on appelle Nathanaël. D'accord? On avait parlé à partir du verset 41. Au verset 40, d'accord? Verset 40 pour avancer. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Écoutez très attentivement, à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46, écoutez bien. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, ah, man, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point des fraudes. Vous voyez le discernement des pensées des cœurs là, non? Donc il est en train de là, il est là en train de prêcher comme ça. Philippe et Nathanaël ont causé là-bas. Nathanaël l'a convaincu, il est venu. Il est venu. Pendant que Jésus le voit venir la foule, il dit, voici un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Écoutez très bien la réponse maintenant. Et ça va nous amener dans l'Ancien Testament. Regardez bien. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, quelqu'un était ici, clairement, qui causait les gens, mais il a de voir quelqu'un de l'autre côté. Vous voyez encore l'omniprésence, n'est-ce pas? Il est avant. Maintenant, c'est suffisant. Souvenez-vous, on a commencé la première passage qu'on a lu ici aujourd'hui, c'était Matthieu chapitre 11, le verset 25 et suivant. Où il a dit, personne ne connaît le Père, c'est le Fils ou celui qui est le Fils venu révéler. Voici les différentes façons de se révéler. Il dit directement quelque chose à Nathanaël, c'est suffisant pour que Nathanaël le connaisse. Souvenez-vous, quand on a dit que viens voir quelque chose, c'est que le paysage avait été déjà perverti, il y avait des faux passages, c'est que quand on dit n'importe quoi, quelqu'un est le bon Dieu, fais-moi un candidat. On a tellement vu ici dehors que tu crois que quelque chose devient ou pas encore sortir de Nazareth. Il dit, viens seulement voir. Le témoignage, quand on a ouvert la Bible, il dit que voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On ne lui a pas dit que tu auras de l'argent, que tu vas te marier, tu auras le passeport, tu vas travailler dans le bon gouvernement. Pourquoi il dit que non? Là, il a bon dit des bonnes choses. Il a témoigné quelque chose dans la vie de cette personne que lui seul peut savoir, son intégrité, son amour pour le Seigneur. Et là, il savait que c'est seulement quelqu'un. Il faut que ce soit Dieu pour savoir que voilà, voici. Maintenant, regardez ce que Nathaniel va dire. Nathaniel, verset 49. Nathaniel répondit et lui dit, Rabbi, vous y êtes? Tu es le fils de Dieu, virgule. Tu es le roi d'Israël. Je vous pose une question. Écoutez très bien, faites attention maintenant. Je dépose ma Bible pour vraiment parler. Souvenez-vous que c'est la première rencontre entre Nathaniel et Jésus. Ils ne se connaissent jamais. On est d'accord? Il n'a jamais entendu parler de lui. Nous sommes d'accord aussi. Parce que la parole de Philippe avec Nathanaël montre clairement que Nathanaël ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui appelait Jésus. On est d'accord? Donc c'est la première rencontre. Jésus lui dit que voici un Israël en qui il n'y a point de fraude. Il dit, d'où me connais-tu? Il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? D'où, et avant que ta Philippe ne t'appelait sous le figuier, je t'ai vu. Il dit, tu es le fils de Dieu. Qui lui a dit que c'était le fils de Dieu? Première question. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence, parce que Dieu dit que quand tu étais sur le figuier, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. On a vu des gens qu'on a ressuscité les femmes, et là après ils sont allés dans le péché. Je recommande. La question que je vais poser c'est ceci. Je parle du côté de Nathanaël, pas du côté de Jésus. Quand Jésus a parlé à Nathanaël, qui a dit à Nathanaël? Parce qu'on a un inter-échange là, A et B. Il dit quelque chose, l'autre répond. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais entendu parler de lui. C'est Philippe qui lui a dit qu'il vient une fois. Il a dit viens une fois. Il ne lui a pas parlé de lui. Il n'a pas dit son nom. Laisse-moi manger tchouko tchouko. Quand il arrive, je veux qu'il balance sur lui. Quand il balance, il sort de sa bouche que tu es le fils de Dieu. Alors, parce qu'avant de venir, il était déjà différent. Comment j'avais dit ça? Oui, il était déjà différent de tous les autres. Mais la question que je vous ai dit, le fait qu'il y a des gens qui sont différents ici, mais ils connaissent que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Oui, c'est vrai. La question que je lui ai posée, c'est que qui lui a montré que voici le fils de Dieu devant lui? L'esprit de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Non seulement il dit tu es le fils de Dieu, il prononce une parole terrible que normalement on devrait le lapider. Il dit tu es le roi d'Israël. C'est terrible. Nathanaël vient de dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Sophonie, allons-y dans Sophonie. Je crois que vous avez le problème, comme vous ne connaissez pas les Sophonies là, vous allez aller voir les... Sophonie chapitre 3. Donc, pardon, aidez-vous les uns les autres là maintenant, vrai. Sophonie juste après. Après quoi? Juste après. Donc on était dans Zacharie tout à l'heure, la rentrée seulement doucement. Regardez, si vous êtes dans Matthieu, vous rentrez un peu, vous avez dans Malachie, vous rentrez un peu, vous êtes dans Zacharie. Je prends un passement sur mon téléphone, c'est dans la Bible. Ok, lis donc dans ton téléphone. Sophonie. Je veux me référer aussi dans la Bible. Dans ce que tu vas t'entraîner, mon téléphone, c'est dans la Bible. Tu es où, Jean? Rentre à Matthieu. Zacharie. Bon, vous connaissez au moins Jonas. Voilà, voici Sophonie. Oh, par grâce, elle est tombée là-dessus. Ouf. Ok. Maintenant, gardez à l'esprit Jean chapitre 1, verset 48, où Nathanaël a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Jésus dit, enfin, gardons d'abord le deux là-bas, on va y revenir. Souvenez-vous des deux appellations qu'il a données. Il a donné fils de Dieu. La question qui peut se poser. On va revenir sur l'attribut. Je vous ai expliqué ce qu'est le fils des attributs. Maintenant, comptons-nous sur l'attribut roi d'Israël. Souvenez-vous, c'est un juif qui est devant lui. Et il sait de quoi il est question. Parce qu'il a la crainte de l'évangile. Jésus vient de donner le témoignage. Il ne peut pas faire l'ambiguïté. Alors, dans Sophonie, chapitre 3, vous y êtes avec moi. Sophonie, chapitre 3. Je vais lire les versets 14 à 17. Je veux que vous suivez attentivement. Sophonie, chapitre 3, verset 14 à 17. Versets 14 à 17, d'accord? Permettez-moi que je trouve aussi Sophonie là. Tata Sophonie. Chapitre 3, verset 14 à 17. Et regardez attentivement, je lis. Hein? Pousse des cris de joie, fille de Sion. C'est ce que vous avez? Oui. Voilà. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comment on peut lire ces choses si on ne voit pas? Regardez bien. Ah, c'est merveilleux. Regardez. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Vous y êtes? Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. Virgule, l'Éternel est au milieu de toi. Mais c'est terrible là. Vous savez, c'est ça? C'est écrit longtemps avant qu'il devait venir au milieu d'eux. Il s'est tenu là comme ça. Il dit que tu es. Voici un Israël en qui il n'y a pas de faute. Celui-là a reconnu directement que le voici au milieu de nous. C'est écrit longtemps avant que l'Éternel, virgule, le roi d'Israël devait être au milieu d'eux. Surtout Nathanaël, quand il a dit cette dernière, tu es le roi d'Israël. C'est la personne qu'on appelle le roi d'Israël, dans le verset 15, il dit, le roi d'Israël, virgule, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Vous y êtes? Oh, maintenant, remarquez-toi bien que la prophétie commence au verset 14 par poussent des cris de joie, filles de Sion. Pourquoi? Ils doivent se réjouir parce que leur roi est au milieu. Amen. Dans Zacharie, qu'on a lu aujourd'hui, au chapitre 11, là, pour lire, là où on a vendu, sous le verset, chapitre 9, verset 9, on va dire que quand Jésus voulait rentrer à Jérusalem, il a envoyé qu'on va prendre l'âne pour qu'il monte sur ça, afin que ça accomplisse ce qui a été dit dans la prophétie, que réjouis-toi, fille de Sion. Parce que ton roi vient à toi, il est monté sur le lieu. Pour l'identifier, le roi d'Israël, il vient tout monter sur, sur un âne. Pas vrai? Il est venu là-bas. Le prophète Sophonie voit la même chose, que le roi devait être au milieu de que réjouissez-vous, il est au milieu. Il est au milieu, le roi d'Israël. L'éternel, il est au milieu. Donc l'éternel, c'est Jésus. Donc, Nathanaël a identifié que l'éternel de Sophonie était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. On avance. Ça vous réjouit, pas vrai? Quel grand Dieu nous avons à servir. De toute façon, si on entre à l'Apocalypse, maintenant, vos foulards vont se dresser, ça va revenir sur votre tête. Si on entre à l'Apocalypse, donc il fait tout depuis, je suis dans le suivant, c'est l'Apocalypse. Ou bien dans le dernier livre des prophéties, maintenant, pour le voir. Donc, les mêmes façons, c'est de prendre par comparaison comme ça. Vous voyez dans l'Ancien Testament, vous voyez dans le Nouveau Testament. David a dit de lui que le Seigneur a dit à mon Seigneur, à ce temps-là, donc, jusqu'à ce qu'il fasse tes yeux, ton marche pied. Ah, c'est merveilleux. On avance. Revenons dans notre Genèse, dans le chapitre 1. La divinité de notre Seigneur. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On avance. Bon. Mettons encore la pause sur Genèse et allons encore quelque part. Je vais vous donner des versets. Vous allez noter d'abord à quoi vous notez. Notez 1 Jean chapitre 5. Verset 19. Lisons ça d'abord avant de continuer. Vous donnez notre verset. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La sœur Touré, lis alors. 1 Jean. C'est vers, après Pierre, vers la fin là, avant l'Apocalypse là. D'accord? Tu vas lire dans ta version, le frère. Enfin, la sœur Nadine va lire aussi dans sa version, dans la version Jérusalem. C'est vrai que vous avez la même version. Lui-même, le verset 19, à haute voix vraiment. 5. Oui. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Oui. Et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Oui. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Oui. Nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Oui. Nous demeurons unis au Dieu véritable, mmh, grâce à son Fils Jésus, oui, Christ. Oui. C'est lui le Dieu véritable. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dire là? Que Jésus-Christ est Dieu. Donc, je vous ai dit, vous remarquez très bien que j'ai dit, je peux vous épargner du fait qu'on écrit littéralement qu'il est Dieu. Je vais partout, je prends partout pour vous montrer. Mais ici, littéralement, c'est écrit que c'est lui qui est le Dieu véritable et. C'est lui la vie éternelle. Ça ne peut pas être autrement. D'abord, si vous prenez d'abord la position vie éternelle, l'appellation vie éternelle. Si quelqu'un a un commencement, il peut avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une vie sans fin. D'accord? Jésus, il dit qu'il est la vie éternelle, pas qu'il a. Parce que si quelqu'un a, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'avait pas. Vous cessez, n'est-ce pas? On dit qu'il est. Ça veut dire s'il est et que la vie a toujours été, donc il a toujours été, forcément, il faut qu'il soit l'éternel. Parce que éternel, ça veut dire que celui qui n'a pas de commencement. Dans Apocalypse chapitre 1, il s'introduit comme étant l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais c'est terrible. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je voulais vous montrer maintenant les versets directement qui disent qu'il est Dieu. D'accord? Prenons le deuxième passage. 1 Timothée chapitre 3. La Bible dit dans lui dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16 et suivant, qu'il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu et ne peut voir. Ah, c'est terrible. En avance, 1 Timothée chapitre 3. La sœur Touré va encore lire. Lis le verset 15 et 16. Enfin, lis le verset 16 directement, parce que le verset 15 est le fondement de l'Église, la colonne de la pluie de la vérité. Toi, le verset 16. La soeur, tu as déjà. Donc, je reconnais effectivement que c'est normal que la divinité des gens soit vraiment un problème. Parce que, comme tous les mystères de la Bible, ça crée vraiment problème au milieu des gens. Mais si on est simple, on comprend la chose plus simplement. Maintenant, verset 16. Le verset 16 dit oui. Incontestablement, oui. Il est grand le secret dévoilé dans notre foi, oui. Le Christ, oui. Apparu comme un être humain, oui. A été révélé juste par l'Esprit Saint, oui. et contemplé par les anges, oui. Annoncé parmi les nations, oui. Cru par beaucoup dans le monde, oui. il a été révélé à la gloire céleste. C'est terrible. Si, Dieu, si là on ne parle pas de Dieu, c'est que je ne sais pas de quoi il est. Mais lisons ici ces versions directes ici. Lisons dans la version Jérusalem. Écoute encore ici. Écoute. Alors que oui, c'est incontestablement un grand mystère que celui de la piété. Oui. Il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Voilà maintenant. Élevé dans la gloire. Maintenant, en tout il, le mot il qui est écrit là-bas. Okay, il a été manifesté dans la chair. Frère, lis dans ta version. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, oui. Justifié par l'esprit, oui. Vu des anges, oui. Prêché aux gentils, oui. Cru dans le monde. Voilà maintenant. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Ici, on dit c'est lui. Là-bas, on dit il. Là-bas, on dit Christ. Mais nous croyons que c'est la même personne qu'on a déjà parlé. Maintenant, dans l'original grec, c'est écrit Dieu, Théos. Que Dieu a été manifesté. Vous avez une autre version de la Bible ici. Vous avez Darby ici. La version Darby. Ok. Si vous avez l'ordinateur, si vous avez la version comparée, tu regarderas. C'est lui, c'est bon. Si tu avais David là-bas, tu regardais. Si vous regardez dans l'original, c'est écrit clairement, ici il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que c'est pour ça qu'on parle de mystère. Le mystère, c'est que Dieu est venu dans une chair humaine. C'est ce qu'il en a dit. Le mystère, c'est que Dieu est venu habiter dans une chair humaine. Donc il n'a pas de sens, celui n'a pas de sens. Là-bas, parce que dans le grec, vous voyez là-bas, c'est écrit Théos. Comment quelqu'un peut mettre Théos? Comment quelqu'un peut mettre Théos? Il met là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est Théos qui est écrit là-bas. C'est Dieu. Dieu a été manifesté. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel. Maintenant, je vous pose une question. Ça ne vous semble pas bizarre que Esaïe dit longtemps avant dans Esaïe chapitre 7, le verset 14, que la Vierge enfantera, donnera un fils et on l'appellera. Non. Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Quand il arrive dans le Nouveau Testament, la Vierge enfante, l'ange vient dire appelle-le Jésus. Oh, on avait écrit dans la prophétie qu'on ne devait pas appeler Emmanuel. Dans la prophétie, on ne voulait pas dire que c'est son nom. On veut donner ce qui sera cet enfant. L'enfant là serait Dieu au milieu des gens. Il faut qu'il prenne un nom qu'on appelle Dieu Sauveur. Donc c'est lui le Dieu Sauveur. D'accord? Dans Esaïe chapitre 8, on prenons cela. Voici les deux passages principaux dans le Nouveau Testament. Hormis Colossiens chapitre 1, verset 9, Colossiens chapitre 2, verset 19, et ainsi de suite. Allons dans Esaïe. Le prophète Esaïe, pour le voir, cet enfant là-bas. Livre du prophète Esaïe. Donne-lui la page directement. Chapitre 9. Esaïe. Non, t'inquiète pas. La personne n'a plus besoin. Elle connaît déjà. Esaïe. Chapitre 9. 22. Tu y es maintenant. C'est toi qui vas lire maintenant. Lis-nous le verset 5 et 6. Non, lis ici. Non, lis d'abord, lis quand même d'abord pour qu'on suive. Ne t'inquiète pas. Oui. Chapitre 9, verset 5 et 6. Allons-y. Père, un enfant nous est né. Oui. Un fils nous a été donné. Oui. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules. Oui. Et on lui a donné ce nom. Vous entendez, il s'agit de qui ici? Sans connaître les prophéties, sans vous n'avez pas été allé à l'école biblique. Vous savez qu'on parle de qui ici? Jésus. Allons-y, continuons, disons. Conseil merveilleux. 1. Dieu fort. 2. Père éternel. 3. Prince des pères. 4. Vous avez entendu? On dit qu'il est le Père. S'étendre le pouvoir. Oui, alors ça va. On dit qu'on l'appelle Père. Cet enfant-là est Père éternel. Donc, vous voyez, vous disiez que quand il disait que Père, vous voyez que lui, il est en même temps Père, non? On dit que cet enfant-là est Père éternel. On a dit qu'il est Dieu fort. Je crois que vous avez vu que c'est clairement, littéralement écrit comme ça là maintenant, n'est-ce pas? Père pour toujours. Voilà, c'est Père pour toujours. Voilà. Dans la fermeture, dans la Bible, on rentre dans notre Genèse maintenant. Donc c'est vraiment fini maintenant avec le fait que Jésus soit Dieu sans ambiguïté. Non, il nous avait encore le passage dans le Nouveau Testament, c'est pas vrai. Prenons le livre de Tite. Donc aujourd'hui on a lu 1 Timothée, donc ce titre c'est aux environs de Timothée là-bas. Débrouillez-vous donc. Donc on dit que l'enfant là c'est Dieu qui a Dieu fort, El Gibor. El Gibor. C'est quoi? Hébreu. Hébreu, j'ai envie d'aller hébreu, non? Hébreu 7. Voilà. Hébreu 7 parle de quelque chose. Que... On a dit titre, non? Non, oui, pour moi, je vais seulement un peu voir. Quand on était dans Isaïe, là, oui. Ça m'a, l'esprit m'a conduit ici. Oui. Et ici, il dit c'est Mésus aidé qu'à Abraham. En fait, c'est lui. Mm-hmm. Il est sans père, sans généalogie, sans commencement de vie, voilà. C'est Jésus. Est-ce? Pas encore, pardon. Donc tout à l'heure, on va y revenir. D'accord. Alors, vous pouvez nous dire également Hébreux chapitre 7, verset 1 à 7. Donc tout à l'heure, on va te donner cela. Alors, vous avez lu des titres, chapitre 2. Merci Seigneur. Matthieu. Oui. Chapitre 2. Lis-nous à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Allons-y à haute voix. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On dit que jusqu'à quoi? D'abord, on a dit qu'il est quoi, dites-moi? Verset 13, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est quoi? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. On n'a pas dit les manifestations de notre grand Dieu et Sauveur. On a dit c'est la manifestation. C'est une séparation qui fait cette manifestation. On dit qu'il est quoi et quoi? Sauveur. Notre grand Dieu et Sauveur. Notre grand Dieu et Sauveur. Donc Jésus-Christ est quoi? Notre grand Dieu. Non, dis ce qui est écrit dans ce verset. Reste dans le verset. Le verset dit qu'il est quoi? Sauveur. Non. Notre grand Dieu. Il y a quelque chose qui compte. Comment d'abord? En attendant la vie. Je veux lire. Attends d'abord, il finit d'abord. Il faut que ça existe. On dit en attendant la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur. Ce n'est pas deux personnes, c'est une personne. On n'a pas dit de nous. On a dit la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Comme on peut dire que le chef de l'État est président de la République, son excellence Paul Biya. D'accord? On dit clairement là-bas que Jésus est notre grand Dieu et notre Sauveur. C'est compris? Lis dans ta version, voilà, Jérusalem, on suit mon frère. Verset 13. Entendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus, notre grand Dieu et Sauveur, le Christ et Jésus. C'est simple. Donc c'est clair dans la Bible que c'est lui le Dieu grand, Dieu puissant. Enfin, là, Isaïe a venu de lui là qu'il était le Dieu puissant, donc le grand Dieu. Elle est gibor. Amen. J'espère que ça n'a pas nous tiré encore. Mais rentrons enfin dans notre fameuse jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il bénisse vraiment cette maison aussi. Genèse, c'est pour répondre à la question. Maintenant, on peut arrêter là maintenant. Je commence à répondre aux questions. 1. Qui priait-il à la croix? Ce n'est pas Dieu qui priait, c'est Jésus-Christ, homme qui priait à la croix. Parce qu'il a deux aspects, l'aspect humain et l'aspect divin. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous expliquer l'aspect divin là maintenant, pour que vous voyez. Tout à l'heure, j'ai pris cela dans l'action avec le policier. Avec le policier. Maintenant, vous connaissez les différentes manifestations qu'il y a eu dans le livre de Matthieu, des gens. Le Seigneur Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Jésus est venu le rendre visite, il a mangé la nourriture des morts. Lazare était malade, il a fait comme ça, il a fait comme s'il n'a pas vu. Lui qui guérit la maladie, il est parti pour s'éloigner pour que Lazare meure. C'est quelqu'un qui aime vraiment son ami, ça. Alors tu dis que je ne t'aime pas. Mais c'est la Bible qui nous le dit. Ok, maintenant, j'explique ça parce que si on va encore rentrer, ça se trouve dans le livre de Jean chapitre 11, d'accord? Vous avez le temps de lire l'histoire. Je vais vous expliquer donc les deux attributs donc manifestés. Alors, Jésus-Christ laisse Lazare, il dit allons, ils sont partis eux, loin. Il arrive quelque part, il se traite avec ses disciples, il dit notre ami Lazare dort. Il dit, après, il dit je rends grâce à Dieu que cette maladie s'est passée alors que je n'étais pas parmi. Afin que vous, il parle à ses disciples, afin que vous croyez qui je suis. Il reste là-bas, quelqu'un vient lui dire, on n'a pas le nouveau, dit que ton frère est malade, ton ami est malade. Il a entendu dire qu'il est malade, il croit qu'il est encore le pied d'abord, il dit bien qu'il meurt. Après, quand il est mort, quand il dit qu'il est mort, il dit que rentrons à Béthanie, les disciples disent que, le tout ça nous montre toutes les qualités ici-là. Il est malade, tu n'es pas, on dit qu'il est mort, c'est là où tu pars. Il dit que notre ami dort, je m'en vais me réveiller. Mais c'est terrible. C'est ça, non? Il dit notre ami dort. Je veux que vous compreniez l'histoire qu'ils ont raconté, la façon qu'ils ont raconté a son sens. Il quitte comme Douala, il va à Loum, il va se cacher. Il attend que le deuil se passe à Douala. Et dans à Loum, il a envie d'expliquer aux gens avant que cela n'arrive. La préscience. Il explique que notre ami va mourir. Il a dit en thème clair que Lazare, je me suis éloigné comme ça pour qu'il meure afin qu'il revienne. Pour qu'il ne dise pas que j'étais là, on a fait les combines. Et c'était avancé. On lui annonce la nouvelle qu'il est mort. il revient. Il dit à ses disciples, il m'a fait comme ça le réveil. Il ne comprenait pas. Mm-hmm. Il leur a dit ouvertement que Lazare est mort. Quand on dit que hein, mort, vrai. Mais si, on voit comment. Il a duré, arrivé là-bas, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Je veux que vous voyez deux aspects. Étant loin à l'homme, il a donné dit que Lazare est malade, il va mourir. Qui est en train de parler? Dieu. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Il arrive. Il lui déclare que Marie, qui était en train de pleurer, a couru. Oh, Seigneur, si tu eusses été ici, Lazare ne serait pas mon frère, ne serait pas mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et oui, je sais qu'à la jour de la raison, tu vas le ressusciter. Il dit, non. Il n'y a pas dit que je serai la résurrection, je suis. Donc pour le moment, ça marche toujours. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, lui déclare, il frémit dans son esprit. Il regarde, écoutez bien, regardez bien, écoutez très bien attentivement, regardez bien les gestes. Il frémit dans son esprit. Après, il se dit, où l'avez-vous mis? Vous avez vu, quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Qui pose la question, où l'avez-vous mis? Hmm? Je repose la question, vous voyez, il y a un problème là maintenant. Il est devant quelqu'un. Étant à qui de plus être, il savait qu'il devait mourir. Il devait mourir. Il arrive là où il se trouve, il demande où est-ce qu'on va l'enterrer. Il ne connaît pas. Il connaît. Donc c'est l'homme Jésus qui a envie de poser la question. Tout à l'heure, c'était Dieu. Regardez, mais tout à l'heure, je vais prendre un exemple. Commissaire, ne bouge pas. Chérie, tu n'as pas donné l'argent de venir. Bah, j'ai mis ça à l'oreiller. Qui parle? Le père. Le père. Le mari. Le mari. Quand c'est tout, ne bouge pas. Qui parle? Le policier. Les deux attribués dans une même personne. Le mari ne peut pas parler au bandit, c'est le policier qui doit lui parler. Le policier ne peut pas parler à la femme, c'est le mari qui doit lui parler. Quand c'est une veste au fils, il ne parle pas en tant que policier, c'est son père qui doit parler, il ne peut pas parler au fils en tant que mari. Ça ne marchera pas. D'accord? Où l'avez-vous mis? Là-bas, là, le Dieu, ôtez la pierre. Qui parle? Répondez franchement, parce qu'il me semble vraiment un genre. Attends, qui parle? Qui parle? Où l'avez-vous mis? Qui parle? Où l'avez-vous mis, c'est l'homme qui parle. Je veux que vous vous identifiez les deux personnalités. Non, deux personnalités. C'est l'homme qui dit où l'avez-vous mis. Oui, c'est l'homme. Parce qu'en tant qu'être humain, toi et moi, si tu captes, je ne peux pas savoir où ça se trouve. Oui, oui, c'est vrai. Où est la chose dans le débat? C'est là-bas. Okay, allons-y alors. Ôtez la pierre. Qui parle? Ça, c'est Dieu. Lazare sort. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Nous y voilà. Alors, il y a les aspects divins en Jésus, l'aspect homme. Donc, il est 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait pleurer. Dormi, on dit qu'il était fatigué. Nous y voilà encore, là-bas. C'est encore un aspect. Il a fini de guérir la malade, il a dit que traversons, on a traversé. Il a commencé à dormir. La Bible déclare que l'éternel, le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort. Qui a dormi ici? Dans ce jeu. Dans l'homme, il est dormi. Dieu, lui, il ne dort pas. Lui. Les gars ont versé le pied après l'eau, comme ça. Ils versent 1 litre, 5 litres entre. Ils versent 4 litres entre. Le gars, si c'est. Alléluia. Il dit, mec. Il dit, mec, nous périssons. Il dit, hein. Qui dit, hein? C'est l'homme qui dit, hein. Il se tourne comme ça. Il dit, silence. Qui parle? Dieu. Après, il se tourne que pourquoi vous pouvez le faire? Qui parle? Dieu. Mais qui dormait tout à l'heure? C'est l'homme. Voilà, nous y voilà. Donc, Dieu ne sommeille parce qu'il est esprit. Mais étant cantonné à un autre être humain, c'est pour ça qu'il avait dit au-dessus, il est avantageux qu'il rentre là où il se trouve, pour qu'il puisse agir facilement. Parce que sinon, il y aura toujours la fatigue humaine ici, là, qui va l'englober dans le corps. D'accord? Parce qu'étant sur la terre, il est obligé de se soumettre à sa propre loi. Parce que ici, sur la terre, tu dois manger, tu dois déféquer, tu dois dormir. C'est sa loi à lui. Dans l'esprit, on n'a pas besoin de ça. C'est cela, n'est-ce pas? Donc, l'aspect humain en Jésus, elle doit être livré. Voilà pourquoi il est venu avec le corps de sa chair qui était parfait. Il partait clouer ça à la croix pour que l'esprit sorte pour le donner là-bas. D'accord? Dans le corps, Jésus-Christ, homme criait, ah, mon père. Est-ce que c'est. Regardez encore ça. Ah, c'est plein dans la Bible seulement, ça ne fait que venir. Lui, voici maintenant dans le jardin de Gethsemane. Il en a parlé à ses disciples. Il a dit, regarde-moi, je ne peux pas. Il s'est tourné, dit Pierre, avant que le serpent ne chante aujourd'hui. Qui a parlé? Trois fois, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle là maintenant. Après, Matthieu vient avec les gens, il vient avec le soldat, il dit que, qui est Joseph? Judas a allé faire le bisou, il dit, Pierre a dit que ne touche pas à mon Jésus, il fombe la sur le couteau, il dit que tant qu'il touche à mon Jésus, quelqu'un s'est avancé, il a fait, fang, l'oreille est tombée. C'est la Bible qui dit ça, pas vrai? Oui. Jésus s'est avancé, il a pris l'oreille, il a collé. Qui fait ça? Dieu. Après, il se laisse, on l'arrête, on tape, il dit, aïe, qui pleure? C'est l'homme qui pleure. Voilà votre Jésus. Voilà votre Jésus. Puisqu'il peut, il lui-même dit clairement que je suis capable d'envoyer 72 000 anges, mais ils viennent. Il n'a pas besoin d'appeler les gens qui viennent. Il suffit de dire la terre s'ouvre. Il dit ferme, ça les ferme là-bas. Il peut les rendre aveugles là-bas, quand il est rendu aveugle par le prophète Élisée. Il peut faire tout. Mais selon ce qui est écrit de sa propre loi, il faut qu'il passe par là. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Voilà votre Jésus. Alors maintenant, comprenant ces choses-là, qui priait-il? Qui faisait ceci? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'a pas besoin de prier. Et il dit que tout pouvoir m'a été donné. Toute chose est remise entre les mains. Dans ce cas, pourquoi il va prier encore? Il est là pour apprendre à ses disciples comment faire. Pour qu'il marche. Pas pour lui-même, il ne peut pas ça pour lui-même. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Voilà, voilà pour cette petite réponse-là, pour balayer ces choses théologiques là maintenant. Rentrons dans la vraie réponse, Genèse. Chapitre 1. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ah, Seigneur. Et regardez bien maintenant. Regardez ces choses ici. Vous voyez, Dieu ne change pas. Fermez encore la Bible dans Genèse, je vais vous expliquer quelque chose. Mais cette, l'explication, ce n'est pas dans la Genèse maintenant. Observez. Et c'est lié à ce qu'on va faire maintenant. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Sous réserve que je vais expliquer ce que je dis faisons l'homme. On va voir ça maintenant dans la Bible. C'est ce qu'on va expliquer à la personne. Il finit de faire l'homme à son image. L'homme pêche comme on dit dans la Bible. Et on dit que Dieu est parti. Pendant que Dieu est là, il se repose. Dieu se repose. Il se fatigue. Donc se reposer, ce n'est pas dans le sens humain que les gens se fatiguent. C'est pas ça qu'il a dit. C'est autre chose qu'il faut comprendre. D'accord? Maintenant, lorsqu'il se reposa, le péché est entré. Il est venu. Adam, Adam, où es-tu? Tu n'as pas la question? Où es-tu? Il ne sait pas où il se trouve. Il sait. Pourquoi il dit que où es-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que j'ai interdit de manger? Il ne sait pas. Il sait. C'est la même chose qu'il avait fait devant Matthieu quand Lazare est mort. Donc il n'a pas changé. Donc sa question ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. D'accord? Dieu a des aspects humains en lui. Et ce sont ces aspects qu'il a mis en nous. Souvenez-vous de ce qu'il a expliqué avec en tant qu'attribut. D'accord? Voilà. Donc il y a des aspects en nous. Tu peux te fâcher. Dieu se fâche. Il a dit clairement que je suis un Dieu jaloux. Tu es jaloux. C'est pas toi qui fais. Est-ce que c'est ici? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc, il y a les attributs de Dieu en nous, que tu l'admets ou non. Ça ne fait pas de nous des petits des dieuxons. Ça ne fait pas de nous des petits dieux. Nous sommes êtres humains, il est notre créateur. D'accord? Voilà. Maintenant, comme il y a ces attributs de Dieu en nous, les attributs qu'il lui a plu de nous accorder, nous manifestons ces attributs d'une façon ou d'une autre. Parmi les attributs, c'est toujours l'attribut, par exemple, des dirigeants. Dieu est un dirigeant, un conducteur. Tout à l'heure, vous avez vu que dans Ésaïe chapitre 9, là, on a dit que c'était un admirable conseiller. Donc, quand quelqu'un a un problème, tu vas dire que ma soeur, des conseils de faire comme ça, tu n'es pas un attribut de Dieu, parce que c'est lui qui est censé faire ça. Quand tu, quelqu'un te fait perdre dans le chemin, il dit que on passe où pour aller dans le quartier, tu dis que pardon, tu fais l'attribut de guide, tu commences à guider les gens, tu fais un attribut de Dieu que tu as utilisé. Quand quelqu'un a des problèmes, deux enfants viennent se bagarrer, viennent se dire, maman, c'est lui qui a pris ça, tu commences à dire que ça c'est pour qui? Tu as de les juger. Tu prends l'attribut de Jésus là. C'est lui le juge. Est-ce que vous comprenez? Quand un avocat, on prend un bandit, on prend un avocat, il porte l'attribut, il porte le gandouran noir. Il va s'asseoir, ça dit que mon client va faire comme ça. Il est l'avocat, la Bible écrit qu'il est l'avocat, notre avocat. Donc, on manifeste les attributs de Dieu d'une certaine façon. Amen. Maintenant, Dieu donc crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, mais il prononce une parole. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le verset 28 dit, Dieu créa l'homme. On ne dit pas que les dieux créaient. Ou on n'a pas dit qu'ils créaient l'homme à leur image. D'accord? Lisons donc dans ça dans le verset 27, 28. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je ne peux que donner des actions de grâce en prononçant des bénédictions sur vous ainsi. Chapitre, pas ce liste là dans chapitre 1, le verset 27 et suivant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Stoppons là-bas. Rentrons au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Arrêtons-nous là-bas. Donc, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il va passer dans la manifestation, on dit que Dieu créa. Donc, une seule personne. Dieu créa l'homme à son image. Une seule personne. La question maintenant, c'est, il dit à qui? Le plus bon sens, d'abord, sans entrer dans les conjectures de l'écriture, le plus bon sens montre qu'il parle au moins avec une personne. C'est aussi simple que possible. C'est ce que le verset nous dit. Si on dit crayon, ça suppose qu'au minimum, il y a une personne. D'accord? Maintenant, je vais aller par des questionnements pour qu'on puisse se retrouver. Est-ce que c'est Dieu le Père qui a parlé à Dieu le Fils? Y a-t-il quelque chose dans ce verset pour nous dire cela? Est-ce que c'est le Fils qui parle au Saint-Esprit? Non. Elle a cette théorie. Ou mieux, ou c'est le trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui se parle entre eux? Et eux? Probable, pas, c'est probable, pas vrai? C'est possible que ça soit comme ça. Parce qu'en fait, il y a au moins une personne qui parle avec Dieu. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, on a établi déjà dans la Bible que le Père, c'est encore la personne de Yahushua, Jésus. on a aussi établi que le Saint-Esprit, c'est encore Jésus. C'est, regardez bien, il y a trois choses. On a, il y a X qui est le Saint-Esprit, Y qui est Jésus, Z qui est Dieu. On a établi que Jésus est Dieu. On a établi que Jésus c'est le Saint-Esprit parce qu'on a vu effectivement dans l'appel de l'apôtre Paul que c'est Jésus qui l'a appelé. Plus tard, le Saint-Esprit dit que c'est moi qui l'ai appelé. Donc le Saint-Esprit c'est Jésus. Il y a beaucoup d'autres versets qu'on peut établir ainsi. On a effectivement vu que Dieu est esprit et c'est cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. On a aussi établi donc que Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas les dissocier, c'est la même personne avec des appellations différentes. On se comprend. Un peu comme par exemple le président de la République s'appelle Paul Barthélémy Biabimbondo. Si tu dis Biabimbondo, tu parles de qui? Tu dis Paul Barthélémy, c'est de qui tu parles? Tu dis Paul Bia, c'est de qui tu parles? Les noms différents. D'accord? Maintenant, avançons ici, regardez bien. Donc, on a établi que Dieu, c'est la même personne que Jésus. C'est la même personne que le Saint-Esprit. D'accord? Pas que les trois sont une même personne. C'est la même personne qui a les appellations différentes. Il n'y a pas les trois. C'est la même personne qui s'appelle différemment. Un peu comme le commissaire. Elle s'appelle commando, enfin, s'appelle le mari ici, à son nom, voilà. C'est la même personne qui a des appellations différentes. C'est n'est-ce pas? Pas que les trois personnes là, c'est une personne, ça n'a pas de sens. Parce qu'une personne implique une personnalité. Il n'y a pas deux personnes qui ont deux mêmes personnalités, jamais. Chaque personne a sa personnalité. Donc, ses attributs à lui. Donc, il se pourrait donc que les trois ici, les trois nominés ici, ont la même personnalité. Donc, c'est une seule personne. C'est compris là, n'est-ce pas? Maintenant. Alors, si c'est une personne qui vient de parler, ça veut dire que c'est exclu totalement du fait que ce soit un père qui se rend de parler au Saint-Esprit ou au Fils. C'est déjà exclu. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ça autrement. D'accord? Notez deux passages. On va les lire maintenant. Notez deux passages. Deux ou trois passages. Si vous êtes prêts, je vous le donne. On y va. Un roi, chapitre 22. Un roi, chapitre 22. Si vous avez noté, vous donne d'autres encore. Et préparez-vous à les ouvrir parce qu'on va les voir. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 10. 6, verset 1 à 10. Maintenant, Genèse chapitre 3, verset 21 et 22. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 10. Vous y êtes. On avance maintenant. C'est intéressant à voir. Quand je dis un roi chapitre 22, c'est parce que c'est long. Donc tout le chapitre vous allez lire, mais on va aller là-bas disséquer rapidement. Je vais vous raconter l'histoire et puis on entre effectivement à partir du verset de là qui nous intéresse. D'accord, Nadia? D'accord, ma chère? Voilà. Dans un roi chapitre 22, le temps. Non, ça peut pas être ce jour-là, c'est bon ici. Peut-être pas. Un roi. Oui. Non, tu parles, c'est ancien. Un roi, chapitre 22. Nous parlons là de la réponse. Cette parole, c'est l'une des paroles, ce que tu as donné comme question, c'est ça que les gens qui parlent de la Trinité utilisent pour dire c'est Dieu le Père. Il n'y a rien à conclure là-bas que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père. On a seulement dit créons l'homme. Si quelqu'un dit c'est Dieu le Père qui a parlé de Dieu le Fils, il n'a rien pour s'appuyer pour parler. La simple explication là-bas, c'est que Dieu parle au monde avec une paire, une personne, c'est tout. La seule explication qu'on peut avoir là-bas, que ce soit blé, vrai. Tu y es déjà? Ok, maintenant, on va lire dans 1 roi chapitre 22. Je vais vous expliquer une chose. Israël a désobéi à Dieu. Ramon en Galate se trouvait dans la tribu de Gad. Et Gad, c'est l'une des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël. À un moment donné, ils vont désobéir maintenant. Les Philistins vont venir prendre la tribu de Ramon en Galate. Si vous lisez le livre de Josué, et particulièrement le livre des juges, particulièrement, enfin, Josué, les fins de Josué, vous allez voir que. Ramon en Galate était l'une des villes qui a été donnée en repos le refuge des meurtriers, celui qui tuerait un homme ici, qui commettrait un homicide involontaire. Dieu avait réservé des villes de refuge où si tu tuais quelqu'un, pas en préméditant, tu allais te réfugier là-bas jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qui est, ou entre cette année-là, meurt, quitte en fonction, il meurt avant que tu quittes là-bas, afin que le vengeur de sang ne puisse avoir de pouvoir sur toi. D'accord? Cette ville de Ramon en Galate, donc, par suite des désobéissances d'Israël, les Philistins vont prendre la possession de cette ville-là. À un moment donné, comme il y avait déjà le chiisme, la séparation entre les deux continents, enfin, les deux pays, il y avait Juda, quoi, le royaume de Juda et puis maintenant Israël. Israël, à la tête d'Israël se trouve un roi qu'on appelle Akab, ou bien Achab si vous voulez. Et à la tête du royaume de Juda se trouve donc un monsieur qu'on appelle Josaphat. Donc Josaphat donc, va rencontrer Akab. Dans leur rencontre, comme par exemple Paul peut rencontrer, ils disent demi. Ils sont allés parler, on dit que la portion du nord a été, c'est la portion de notre portion. Viens m'aider à la guerre pour aller lutter. C'est n'est-ce pas? Donc, c'est le contexte surtout dans le livre de 1 roi chapitre 22. Donc, Josaphat vient de rencontrer Akab. Akab lui dit, tu sais que Ramon en Galade nous appartient, appartient à Israël. Est-ce que tu peux monter en guerre avec Akab pour aller prendre Ramon en Galade? Maintenant, il y a un problème. Les Juifs ne marchent que sous la direction de Dieu. Il faut que Dieu leur donne l'ordre, si oui ou non. Il faut qu'ils cherchent si Dieu accepte cela, oui ou non. Alors, Josaphat a proposé que, mais, consultons d'abord Dieu pour savoir si Dieu nous permet de nous donner Ramon en Galade. Akab dit qu'il y a j'ai plus de 400 prophètes ici. Il dit, demande-leur. On a demandé, ah, mof. Les gars ont parlé en langue, on s'est dit, cha cha cha cha cha cha cha. Monte, tu vas avoir. Eh, monte, oh, rapa, papa, chit, dit, dit. Je te vois procéder vraiment en Galade au nom de Jésus. C'est ce qui est écrit là-bas, ma chérie. Comment tu me regardes comme ça? C'est que je suis l'histoire, non? Ok, maintenant, là, laissez-le dans ce cas. Alors, dans un roi, donc, comme tu dis, vous vous moquez de moi, donc, moi, on lit alors. Un roi, chapitre 22. Donc, voilà l'histoire, donc, de chapitre 22. Ok, je vais lire à partir du verset 29 maintenant. Donc, et prenez le temps de lire, d'accord? Verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramon en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. Non, ça c'est de là dans le combat déjà. Donc rentrons un peu plus bas. Rentrons un peu plus bas. Verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de. Je sais verset 10, hein? Revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenania, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. C'est pas ce qu'il vient de dire là. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monde Arama Angala, hey Yaba, tu auras du succès. Et l'Éternel l'a livré entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi, voici le prophète d'un commun accord. Accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. On va te donner la Mercedes. Tu donnes une bonne maison. Dis ce que le roi va entendre. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oh, ces paroles-ci. Ah, verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, écoutez très bien. D'un côté, écoutez très attentivement. Il y a déjà 400 prophètes ici qui sont allés dire, de façon unanime, que monte à Ramon en Galade, tu vas avoir la victoire. Josaphat dit que mince, lui-même il savait que quelque chose ne va pas. Que comment 400 personnes peuvent faire la même chose comme ça, c'est pas possible. Il a posé la question, je crois que c'est ici un peu. Voilà, revenons au verset 6 pour voir cette consultation là, d'accord. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramon en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte! Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ça montre quelque chose dans son cœur que ça, c'est faux. Vous voyez, il n'y a rien pour se protéger, mais quelque chose dans son cœur témoigne qu'ici, c'est un mensonge. Donc même si quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, si c'est le mensonge, hein, à moins que votre chef vous déçoive, quelque chose à l'intérieur de vous témoigne que ceci, c'est faux. Mais quand c'est la parole de Dieu, quelque chose va toujours avoir, vous voyez comment c'est comme si ça se crée comme ça, que encore. Amen. Verset 6, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400, j'ai dit cela, n'est-ce pas? Verset 16. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun des prophètes de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Vous avez vu, non? C'est une déclaration fracassante. Il se dit là quoi? Je le hais. Vraiment, pourquoi il le hais? Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Misef, fils de Njimla, un Bamleke. Et Joseph a dit que le roi ne parle pas ainsi. Comment le roi peut dire des choses comme ça là? Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph était quelqu'un qui aimait qu'on lui dise ce qu'il veut en temps, même s'il doit mourir. Si il dit que s'il aimait ma main sur le feu, Akab, que s'il aimait ma main sur le feu, ça va brûler. Dit non, grand roi vie éternellement, comment tu peux mettre ma main sur le feu, ça te brûle. Mais Dieu dit que ça ne peut pas te brûler. Il aimait qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Et remarquez bien que comment on a envoyé quelqu'un pour venir dire à Michel que tout ce qu'on en a dit telle chose, vient dire la même chose. On va te donner des faveurs, on va te construire une maison en étage. Comme tu dois dans la bourse, tu n'as pas de couverture. Il a dit, l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel nous dira. Donc maintenant, je prends ces paroles pour vous exhorter. Que la familiarité ou bien le sentimentalisme ne vous fait pas détourner de Dieu. Faites ce que Dieu a commandé. D'accord? Voici encore notre signe pour vous voyez. Les 400 prophètes étaient à la coupe du roi, donc le roi pouvait leur donner la bénédiction. Celui-ci était loin, éloigné d'eux parce qu'il disait ce que doit le même par conséquent, il devait vivre mal. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est ça, n'est-ce pas? Continuons, voir le verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramon en Galade ou devrons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. En fait, parce qu'il savait effectivement ce que le prophète entendait lui dire. Regardez bien, mort, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Regardez bien. Akab savait très bien que Michel n'est pas sérieux. Parce que Michel ne lui dit quelque chose que les autres ont déjà dit. Il savait que Michel normalement ne dit pas la même chose que eux. Regardez bien. Et le roi lui dit, combien de fois faudrait-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Donc il savait que il ne disait pas vrai. Et par conséquent, quand il t'en a dit ce que les autres disent, il devait savoir que ce que cela nous dit, c'est le mensonge. Souvenez-vous, ne vous éloignez pas, personne ne voulait répondre à la question. Quand Dieu dit, faisons le nom de l'image, de quoi, ou avec qui il en a parlé. Donc vous pensez que c'est éloigné, vous allez voir ça tout à l'heure la sortie. Maintenant, Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Tu as vu, non? Donc il lui a donné la vraie révélation. Ça pour dire que si vous partez là-bas, vous allez fils encore vous poursuivre. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Donc, comme tu as entendu sa bouche, non? Tu as vu, non? Il ne fait que dire les choses contraires de ce que les autres disent. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoutez bien maintenant. C'est ici dans la révélation pour la réponse à la question. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc Dieu réunit souvent le conseil du ciel. C'est la première chose à voir. C'est ce qu'il écrit ici. On avance. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Fais bon là-bas. C'est terrible. Donc, vous voyez que quand quelqu'un prophétise, il ne va pas dire, tiens, ainsi parle l'Éternel. Voilà un exemple, il parle ainsi parle l'Éternel, mais ce qu'il dit, c'est faux. Alors, voici la chose. Nous voyons effectivement, il dit que j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et la main des cieux se réunit l'un à sa gauche et à sa droite. Ça montre qu'au ciel, il y a combien de trônes? Un seul. Les autres endroits qu'on puisse s'asseoir, où on peut être debout, ce sont les anges qui sont là-bas. C'est ce que Michel a décrit. Donc, c'est exclu du fait qu'il y a trois trônes au ciel. Un pour le Saint-Esprit, un pour Jésus, un pour Dieu. Pourquoi Dieu te fait que Jésus, tu ne vas pas faire qu'on crée le matin, tu l'images. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a qu'un seul trône au ciel et les anges sont là. Donc, Dieu s'est tenu sur son trône. Les anges, la Bible éclate clairement qu'il est venu ici. Il dit, qui va aller séduire à Ramoth en Galate? La tribu de la séduction ne peut pas venir de chez Dieu parce que Dieu ne séduit pas. Si vous comprenez. Donc quand une femme va au mur, elle dit comme ça, quand il passe là, il allume le gars là. C'est un attribut satanique là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il le séduise. Ouh, maman, tu es séduisante. Hein? Tu es satanique, hein? C'est ça, n'est-ce pas? On ne veut pas bouger la tête pour moi. Oui, mais c'est oui. Ça. Oui. Même si on ne dit pas que c'est ça, c'est quand même ça. Donc l'attribut de la séduction vient de Satan. C'est pour cela que les anges étaient réunis devant Dieu. Personne ne pourra aller séduire Akab. Parce qu'un ange ne peut pas venir mentir. Parce que si un ange descendait là-bas, il devait lui dire que Akab ne monte pas quand tu vas périr. Mais comment on fait pour qu'il monte pour périr, pour que la parole de Dieu s'accomplisse? Il faut que c'est quelqu'un qui ment pour y aller. Or, Dieu ne peut pas mentir, l'ange ne peut pas mentir, n'est que Satan peut mentir. Alors, un esprit venant de Satan est venu se présenter que permet-moi d'aller. Dieu lui a donné la permission. Il est venu dire ainsi, ah, l'Éternel, monte, monte. Il a donné de mentir, c'est lui qui peut faire ça. Donc, l'esprit de séduction, la tribu de séduction, c'est chez Satan. C'est pour ça que vous allez dire, on va dire le mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est pas dire que c'est Dieu qui a le mauvais esprit, c'est que Dieu permet qu'il parte faire ça. Pas que Dieu a un mauvais esprit caché, que les enfants se vont, d'accord? Voilà. Donc voilà donc l'armée de ceux qui est réunie. Allons dans Ésaïe chapitre 6 dont j'ai donné. Ésaïe chapitre 6. Nous voulons répondre à la question. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, de quoi est-ce à qui parle à qui? Dans cette réunion que nous avons vue dans le ciel, on a vu qu'il y a un seul trône. Donc si Dieu parle, il parlait aux anges. On est d'abord d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Voilà. Chapitre 6, nous parlons ici de la vocation de l'appel d'Isaïe, du prophète Isaïe. Je vais lire à partir du verset 1, doucement, doucement. Et on va en tirer de conclusion maintenant. Dès qu'on va finir, on va aller dans Genèse chapitre 3, verset 21 et 22. Et ce sera terminé pour la chose de Christ concernant sa divinité. Ésaïe chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Are you there already? Ok. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez, la même chose que Michel a vu tout à l'heure. Tu parles. Ça, c'est le chapitre quoi? 5. C'est ça, c'est le chapitre quoi? Oui, ça. Ça va être dans le temps. On y va. La Bible dit à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Nous voyons que c'est la même vision que Esaïe a vu, que Michée a vu. Il a encore vu une personne sur le trône. Maintenant, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. On est d'accord, n'est-ce pas? Ils criaient, les séraphins, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mais écoutez, mes versets 8 attentivement. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Soulignez, qui marchera pour nous? Vous y êtes, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez-moi, je vous pose la question. D'après ce qu'on vient de comprendre ici, combien de personnes se trouvent devant Ézéchiel et Isaïe nous voir? Ou bien combien de styles de personnes se trouvent là? Si vous avez lu depuis, si vous avez suivi depuis le premier verset, combien de styles de personnes, des styles, regardez bien la personne qui pose la question. Combien de styles de personnes se trouvent? Il y a combien de catégories de personnes là-bas? Sans que vous êtes fatigué. Pourtant, après, il voulait aller dans le nombre et Exode et Matthieu vous montrer que c'est encore une partie de cette affaire de divinité. Non, j'ai pas dit combien de nombres. J'ai pas dit combien il y a un nombre de combien. J'ai dit combien de styles. Par exemple, ici, il y a deux styles de personnes ici. Il y a des hommes et des femmes. On n'a que deux. Il y a deux catégories de personnes ici. D'accord? Maintenant, si on dit qu'il y a un nombre de combien de personnes ici à l'intérieur, on est les anges et Dieu. Voilà, donc il y avait combien de catégories donc? Deux catégories. Voilà, c'est très bien. Touré là, 5 saisons. Bon, maintenant, donc il y avait deux catégories. Il y avait Dieu qui est assis sur le trône et il y avait les séraphins. C'est ce qu'on a vu ici. Maintenant, quand Dieu parle, il dit, qui enverrai-je, qui partira pour, qui marchera pour nous? Quand il parle de nous, il parle de qui? Dieu et ses anges. Et ses anges. Donc, le problème de Genèse est effectivement réglé. Donc, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il parle aux anges, comme on a vu effectivement. Et ça règle le problème là maintenant. Maintenant, la question maintenant c'est, créons l'homme à l'image des anges. Vous pensez ça? Non, non, attends, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il a dit notre, il les a inclus. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des aspects dans l'être humain qui sont des aspects comme des anges, oui ou non? Oui. Allons dans la Bible. Ne dis pas seulement oui, parce que c'est Junior qui parle. Les regardons dans la Bible. D'accord? Matthieu, chapitre 22. Je crois qu'il va arrêter par là, il faut que je veux qu'on se tipe, c'est ça, non? On avance. Vous allez voir, les choses sont écrites dans la Bible, ça se déroule comme ça. Bon, je raconte encore l'histoire qui se passe ici. Dans cette histoire de Matthieu chapitre 22, il y a trois groupes qui vont venir tenter Jésus. Il y a d'abord les gens qui vont venir dire, maître, nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Il faut dire payer l'impôt à César, oui ou non. Vous connaissez l'histoire. Il va dire que vous devez mal l'effligie. Il va dire que de qui est cette effligie? Il dit que de César. Il dit, dans ce cas, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils vont entendre, bon, personne n'avait pris à Dieu. Ils ont tracé. Les autres sont encore venus. Le deuxième groupe, c'est le deuxième groupe qui nous intéresse, les Sadducéens. La Bible déclare qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Il n'y a point de résurrection. Disons leur histoire. Et à partir du moment où Jésus va nous dire clairement ce qu'est l'homme et ce qui nous intéresse. À partir du verset 23, chapitre 22 de Matthieu, verset 23 et suivant. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épouse sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc femme? Car tous l'ont connu. Écoutez maintenant, c'est la parole de Jésus qui va nous révéler quelque chose. Jésus leur répondit, vous êtes grandement, non, vous êtes dans l'erreur. Il dit, Jésus leur répondit, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Arrêtons-nous là-bas, avant de répondre à la question, permettez-moi de me poser une question. Lorsque, ce n'est pas n'importe qui venait affronter le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un, si on dit en tant que chrétien, ce n'est pas un simple croyant qui venait le faire. C'était des coriaces, dont les gens, les détenteurs de la doctrine, qui venaient le coincer. Ils essaient de le coincer parce que ce sont les doctrines qu'ils croient. Vous avez vu les exemples qu'ils ont donnés. Alors, la question qui me parle, oh, regardez ce que Jésus leur dit, ils sont grandement dans l'erreur. S'il dit à leurs grands enseignants qu'ils sont grandement dans l'erreur, ils conduisent le troupeau où? Hein? Où est le problème, n'est-ce pas? Vous êtes grandement dans l'erreur. Quand il dit ça, je sais fort. Vous êtes grandement dans l'erreur. Si les initiateurs sont grandement dans l'erreur, c'est-à-dire que leur erreur est grand comme ça, là. S'ils sont grandement dans l'erreur, où sont-ils conduits les gens? Répondez à la question là. Maintenant, verset 30. Écoutez très bien maintenant. Car à la résurrection, les hommes, les qui? Ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront soulignés ça. Ils seront comme des dieux dans les cieux. Soulignez ça. C'est ce que Jésus a dit. Donc les hommes ont les attributs des anges. Mais comme on a revêtu le péché, ça qui nous empêche. Donc quand il y aura la résurrection, on va revêtir cela. On sera comme des anges. Donc on a les aspects des anges. Tu me diras, moi, c'était mon mari là-bas. Voilà. Parce qu'on sera asexué à ce moment-là. D'accord? Voilà. Maintenant, donc c'est évident que Dieu parlait aux anges. Je m'arrête seulement là-bas. C'est évident donc que Dieu parlait aux anges. Donc il n'y a pas de Dieu le Père qui parle au Dieu le Fils. On ne peut pas trouver de telles choses dans la Bible. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu, pas vrai? Sans ambiguïté, Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on a dit? Voilà. Donc que Dieu vous bénisse avec cela. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il y a des questions encore. S'il y a des questions, si vous êtes rassasié, on peut se séparer aujourd'hui et je vous laisse digérer. Digérer d'abord, n'est-ce pas? Tous les péchés sont égaux aux yeux de Dieu. Non, tous les péchés ne sont pas égaux aux yeux de Dieu. Mais tous les péchés sont péchés. Il n'y a pas de péché qui peut être plus grave. Tous les péchés ne sont pas égaux. Mais le péché, c'est le péché. Parce que la tâche, c'est la tâche. Parce que l'ascension, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'enfer. D'accord? Il y a pas le petit enfer là-bas. Oui. Donc, il y a le feu là-bas, il n'y a pas l'autre secteur, c'est l'eau glacée. D'accord? Parce que la Bible dit clairement que Moïse, quand les Juifs ont fait le veau d'eau, il a dit que vous montrez parce que vous avez commis un grand péché devant Dieu. Et c'est lui qui a dit c'est un grand péché, d'accord? Il a dit que tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais celui qui pêche contre le Seigneur, il sera pardonné. Ça, c'est parce que ce péché-là est assez grave. D'accord? Donc, tous les péchés ne sont pas égaux. Mais tous les péchés mènent au même lieu. Donc, ça ne sert à rien de pécher, on peut le pécher. D'accord, ma chère? Voilà. Voilà, bon, et est-ce que pour prier, on a besoin de calculer certaines heures pour prier? Non, ça c'est les prières stratégiques de vos gens ici-là. Bon, ça c'est la sorcellerie. D'accord. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. D'accord? Pour prier, on a besoin de prier à haute voix. C'est souvent. Souvent. Oui. Souvent. Donc, c'est lui donc que la formule qu'a mis de crier à haute voix. On va vous mettre en prison. Et si on vous met en prison, vous ne partez pas en prison parce qu'on vous persécute au nom de Jésus. Parce que vous faites des bruits. D'accord? C'est pour ça qu'ils appellent ça les églises bruitières. Et quand on fait un pan, crier, louer Dieu très fort. C'est pas comme ça. D'accord? Il y a les prières silencieuses comme Néhémie versait là dans la coupe des rois. Les chansons. Il était chanson, il voyait ça dans la coupe des rois. La Bible déclare que le roi a vu son visage que Néhémie, mais tu n'as jamais été triste comme ça, qu'est-ce que tu as triste? La Bible déclare, quand il a dit comme ça, là, il a prié sur le cœur que béni soit Dieu de tous les cieux. Il dit, c'est comment veux-je être content alors que le pays de mes pères, où il ne sait plus que ce trou est détruit. Il a dit, demande tout ce que tu veux, je te le donne. La prière a déclenché là-bas alors qu'il n'a pas ouvert la bouche pour prier. D'accord? Il a vu seulement sa vie. Voilà. Maintenant, si c'est maintenant, on va dire qu'aller bombarder le roi, casser la tête du roi au nom de Jésus, troubler sa tête pour qu'il vous donne la prière. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, la vraie prière, c'est le Saint-Esprit priant dans le chrétien. C'est ça la vraie prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ça fortifie bien ici. Merci. En fait, c'est bien de connaître comme toi. Dieu vous a vraiment béni. Que c'est bien vraiment d'avoir puisé de vous. Parce que vous m'avez posé des questions difficiles pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. S'il n'y a pas cette question-là, moi, je n'ai pas su qu'il y avait ça. Vous avez vu comment que j'ai touché rarement à ma Bible. Et quand on connaît comme ça, on dit ce qu'on connaît. ça s'explique aisément. Aisément. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si on peut aussi connaître comme ça. Vas-y, vas-y, devant. Tu sais, peut-être la façon que je nourris l'enfant, il ne peut pas savoir où nourrir l'enfant. La façon que tu fais grandir l'enfant, la façon que, là où tu es là comme ça, là, la façon que tu sais faire, si tu sais grandir l'enfant, ça c'est au ministère là-bas. Fais grandir cet enfant-là bien, et après tu peux le présenter à Jésus. Si il sait prêcher bien, il prêche bien, c'est quand vous venez, dit Seigneur, je leur ai dit telle chose. C'est enregistré, ce sera possible pour moi. D'accord, hein? Voilà. Et surtout, ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Parce qu'il prêche bien. Oui, suis la parole. Ton ministère. Et rends grâce à Dieu pour cela. Non, non, frère, non, c'est la façon. Et quand, comme il prêche c'est une manière bien, d'admirer, ça, d'apprécier. Ça te pousse à aller chercher. Et les gens comprennent mieux. Ça tue ceux qui sont encore dans les ténèbres. Donc, s'il n'y a pas des gens comme eux pour bien prêcher, on ne pourra pas. Chacun va rester dans son petit coin. Tu lis, tu ne comprends rien. Ou tu crois que tu es en train de comprendre alors que. Voilà. Merci, merci de m'avoir prêté votre attention. Maintenant, je vous pose une question. Avons-nous fait quelque chose qui est en dehors de la Bible? C'est tout ce que nous avons fait, est-ce que nous avons fait quelque chose qui est en dehors de la Bible? Est-ce que nous avons lu quelque chose qui était compliqué ici dans la Bible? N'est-ce pas dans la Bible que nous avons lu tout ce qui était ici? C'est comme ça, Dieu, la simplicité, mais codée pour être révélée. Dieu, la simplicité, mais codée pour être révélée. Voilà.